disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 28. Je procède au rappel traditionnel de cette émission. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. C'est avec grand plaisir que j'annonce la remise en ligne du forum EELB.SU, Europe Écologie Les Brins, EELB.SU. Après, un peu de travail, tout fonctionne à nouveau, tout fonctionne même mieux. Il y avait des problèmes jusqu'à présent un petit peu techniques, ça laguait un peu, voilà, bon, tout ça a été résolu. Donc merci à tous les membres de participer bien évidemment au forum. Alors, avant de continuer, je vais présenter les membres qui participent cette semaine. On va commencer avec Captain America, s'il est là. Mais bonjour à tous, chers amis auditeurs, chers amis participants, Gandalf. C'est un Captain amoindri aujourd'hui par la vieille grippe du Covid-19. Enfin, je ne l'espère pas. Mais je suis quand même fidèle au poste. Donc, en avant, Guingamp. En avant les nègres. Et aussi avec nous cette semaine, Fulbert. J'espère qu'il n'a pas été trop impacté par les intempéries, inondations, etc. J'espère que ça va, Fulbert. Fulbert va bien, Gandalf. Merci. Bonjour à toi. Bonjour à tous. J'ai survécu, comme vous pouvez le constater. On m'a dit que ta cave avait pris l'eau et que quelques juifs étaient malheureusement portés disparus. Je ne les retrouve plus, je dois dire. Ils sont partis avec le flot. Ah, bah, c'est pas grave, on trouvera d'autres. Et aussi avec nous cette semaine, Alex. Salut Alex, j'espère que tu vas bien. Salut Gandalf, salut à tout le monde. Et enfin, aussi cette semaine avec nous, Popovic. Salut Poro, j'espère que ça va relativement bien de ton côté. Oui, salut à tout le monde. Bah, moi aussi, je suis malade, je sais pas si j'ai chopé le Covid, mais enfin bon, je suis là quand même. Bonjour. Formidable. Donc avant de commencer l'émission en tant que telle, remercions les donateurs. On en a un cette semaine qui s'est manifesté. On remercie bien sûr tous ceux qui nous donnent de manière anonyme chaque semaine ou chaque mois. Vous pouvez le faire en utilisant Monero, crypto-monnaie qui garantit l'anonymat, votre anonymat, l'anonymat du don aussi en tant que tel. Alors, bonjour à toute l'équipe de DP, voici ma petite contribution saisonnière de 0,55 Monero pour que la parole de la vérité qu'est la parole fasciste triomphe et pour contrer les mensonges de la meute médiatique qui est contrôlée par qui ? Longue vie à démocratie participative et à tous les camarades fascistes blancs, veuillez me confirmer votre réception s'il vous plaît, ça sera fait, c'est Antonescu, merci Antonescu. Alors, première rubrique, alors ça sera une émission de toute façon un peu, bon de toute façon c'est l'été et puis elle est largement consacrée à la situation sanitaire en fait, il y a eu les annonces de Macron ou le projet de loi fin juillet etc, donc on va revenir sur tout ça, il y a énormément de choses à dire, énormément de mensonges démonter, hein. Mais avant cela quand même, rubrique témoignage, on a reçu des témoignages cette semaine. Je m'en félicite d'ailleurs, merci à tous ceux qui nous écrivent. Alors Gandalf Sama, je faisais la charité, c'est une citation qui est écrite en début de témoignage. Je faisais la charité alors que nous étions en guerre, un donateur anonyme. Ne sachant pas par où commencer, je vais faire simple et me présenter. Aujourd'hui, je vis dans la campagne occitane, poules, potager, verger, puits, un peu plus de 4 enfants, quelques chiens de garde et une licence de baltrap. Il y a une vingtaine d'années, je faisais commerce de produits dérivés, la titrisation donc, dans une célèbre institution, entre beaucoup de parenthèses, donc, ayant ses bureaux parisiens, place Vendôme, la période à jamais la plus lucrative et avilissante de mon existence. Tout gosse, la quiétude de la petite bourgeoisie du 6e arrondissement m'insupportait déjà et je trépignais d'impatience dans l'attente des vacances dans le golfe du Morbihan, ne plus voir Paris ni les connards de la Baule. Salarié du Vaudor, c'était le même sentiment puissance 1000. Il y a une quinzaine d'années, je rencontre cette future mère de famille nombreuse, la sienne bien évidemment, hein. J'accumule les miles sur ma carte Air Connard jusqu'à l'illumination, puis le déclic que j'attendais depuis toujours en fait, une hernie discale. Moi avec une IMC de 20, moi qui ai couru mon premier marathon en moins de 3h30, cloué au lit, mais heureusement à la campagne. Sans honte, je tombe sur les premières vidéos de Soral, et je me rends compte que je ne suis ni seul, ni dingue, et je change mon fusil d'épaule. Lecteur assoiffé, je mets de côté la littérature fantastique et policière pour me former. Ça va crescendo, donc Ezra Pound, Sutton, Reed, Goebbels, Hitler. Bref, je quitte définitivement ce trou à merde qui est devenu Paris pour la garrigue languedocienne, une connexion haut débit, un terminal à Bloomberg, et je peux gagner ma vie, honnêtement, la vérité. J'ai conservé tous mes contacts, certains sont bons amis, je sais que les dés sont pipés, et que ce que l'on fait est du vol. Je tiens un an avant de mettre en adéquation ma vie avec mes idées, je relis Mein Kampf, j'ai honte de moi et déjà 2 enfants. Je fais une croix sur la spéculation, dorénavant ce sera Gold, God and Guns. On est en 2017, je vois la tempête venir, j'ai fait 6 ans d'études pour apprendre à savoir ça, mais je suis à l'abri de tout et du besoin. Enfin. Fin janvier 2020. Putain, mais qu'est-ce que je suis con, je sais parfaitement que depuis l'avènement de la monnaie papier et des réserves fractionnaires, chaque banqueroute se solde par un « événement », entre guillemets. Et persuadé qu'une guerre était impossible, je n'avais pas envisagé une intoxication médiatique de cet ordre. Donc il y fait référence évidemment à la situation sanitaire que nous connaissons. Hein. Plus besoin de faire la guerre dans la démocratie moderne, et surtout pas de ressources MP à gérer pour en priver l'adversaire juste du pillage sans révolte. Alors, ensuite, il propose de fournir à notre équipe un dossier détaillé sur le volet monnaie centrale numérique, qui est un des cœurs de cette machination. C'est tout à fait juste, hein, vous connaissez, hein, les banques centrales s'organisent au niveau international pour digitaliser en fait tout simplement les monnaies. Évidemment, ce serait toujours intéressant d'avoir davantage d'informations. Les « too big to fail » ont aujourd'hui un bilan si dégueulasse qu'un bank run de faible intensité ferait s'écrouler la pyramide. Salut à la victoire et bise à l'évêque. Alors c'était Boîte Vide qui nous a écrit témoignage intéressant donc de quelqu'un qui a claqué en fait le monde de la finance pour renouer en fait avec une vie saine. C'est très très bien. Je dirais simplement que si tu as des compétences en finance, mets-les au service de la cause, hein, tout simplement. Hein, ça pourrait aussi être utile. Il faut faire feu de tout bois. Quelqu'un veut-il dire quelque chose suite à ce témoignage de quelqu'un qui rompt définitivement? Pas particulièrement. Alors, moi je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait mis en adéquation son lifestyle avec... ce qu'il pense profondément de la situation et ce qu'il en sait. C'est une très bonne chose qu'il soit parti à la campagne, qu'il soit de facto donc éloigné des centres-villes, donc du merdier généralisé. Je pense, j'espère qu'il est autonome d'un point de vue à minima alimentaire, ou qu'il soit quasiment autonome, parce que bon, si t'es dans la campagne et que t'es proche de petits producteurs, on va dire que t'es autonome, quoi. Si tu dépends encore des supermarchés et que t'es à la campagne, bon, c'est qu'il y a encore un peu de travail à faire. Je ne peux qu'encourager tous ceux qui ont les moyens de et les centres-villes de le faire. Je pense que le message a été dit plusieurs fois. Je pense qu'il faut continuer à le marteler. Quitter les centres-villes, aller vivre à la campagne, travailler depuis la campagne si vous pouvez, travailler dans la campagne, devenez autonome tant d'un point de vue financier que d'un point de vue des ressources alimentaires, la flotte, tout ça. Faites du baltrap, c'est très bien. Chassez, parce que ça vous apprendra beaucoup de choses. Retour à une relation plus saine avec la nature, la nourriture, le fait d'arpenter les forêts, se ressourcer, se créer des copains aussi sur place, ce qui peut par la suite amener à avoir des... En cas de soucis généralisés, le fait d'avoir des amis, ça permet déjà de pas avoir à éventuellement se foutre sur la gueule avec le voisin. Ça peut au contraire former des groupes de solidarité. Donc ouais, c'est une très bonne chose et j'encourage tous ceux qui ont moyen de le faire à le faire. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on a dit ici très régulièrement. Mis en application d'instinct par notre auditeur. Beaucoup d'autres l'ont fait aussi, hein, évidemment. C'est pas un éclair de génie de notre part, c'est simplement une constatation de bon sens que beaucoup d'autres gens font ou ont fait il y a longtemps. Donc ça, c'est évident. Et pour faire le lien avec ce que tu disais sur les grandes villes, je crois que ce témoignage tombe à pic de la part de Boîte Vide. C'est bien évidemment les annonces de Macron qui ont été faites en début de semaine à la faveur du 14 juillet, me semble-t-il. Intéressant aussi comme date. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les véritables origines du 14 juillet, qui n'est pas une fête nationale, qui n'a jamais été une fête nationale, qui est la fête d'une certaine oligarchie. Mais faudra peut-être s'attarder sur les racines du 14 juillet, mais croyez-moi qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Très grande manipulation, en fait, ni plus ni moins qu'une révolution de couleurs. Mais toujours intéressant de noter, de relever que Macron a choisi ce jour-là spécifiquement pour faire ses annonces. Parmi ces annonces, qui avait-il ? Eh bien, le fait d'interdire toute une série de lieux publics aux non-vaccinés. Donc, le fameux, alors ce qu'ils ont abrégé en pass sanitaire, je dis tout de suite, ce n'est pas un pass sanitaire. C'est bel et bien un passeport. C'est bel et bien un passeport qui vous permet ou ne vous permet pas de franchir des frontières. On est bien d'accord. Donc, il y a bien maintenant en France des frontières intérieures. C'est le but de ce gouvernement. Et au-delà de ce gouvernement, c'est le but du système, c'est d'instaurer des frontières intérieures. Il y a déjà des frontières extérieures, mais nous avons maintenant des frontières intérieures. Et j'allais dire des micro-frontières intérieures. Parce que quand on arrive à l'échelle de l'échoppe, de la boulangerie, de l'estaminet, ça devient quand même assez, assez particulier, vous êtes d'accord. Mais parmi les lieux interdits au grand public, ça doit sonner l'alerte. C'est les galeries commerciales. On commence avec les galeries commerciales. Alors, c'est très générique hein, comme terme. Hein, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une surface minimale, je crois que c'est 20 000 mètres carrés. Bon, donc en vrai, c'est une concentration d'enseignes. D'accord, très bien. Bon, vous imaginez bien que ça ne va pas s'arrêter là. Hein, on va réduire les surfaces progressivement. Au début, ça va être donc c'est 20 000. Ensuite, on va dire oui, mais comprenez bien, oui, mais le risque. Voilà, alors 10 000, voilà, puis 5 000, et puis à la fin, ça sera 50, quoi. Donc voilà, c'est la stratégie du cliquet. Depuis le début, c'est la stratégie du cliquet. On réduit progressivement, et c'est ce qui va se passer. Donc moi, ce que je dis qui va se produire, c'est qu'ils vont interdire à terme aux non-vaccinés l'accès aux magasins d'alimentation. C'est évident. Et alors, ils n'ont même pas besoin d'interdire tous les magasins d'alimentation. Il suffit de taper sur les grandes surfaces, d'accord ? Parce que c'est là où l'immense majorité, en tout cas, l'immense majorité des gens, va s'approvisionner. Alors, vous allez me dire, parce que j'avais discuté avec un collègue qui me dit « Bon, moi, je vais faire tout drive maintenant. » Voilà, parce qu'il ne veut pas se faire vacciner. Et je lui dis « Oui, c'est bien gentil, sauf qu'ils vont très vite comprendre, ou alors ils ont déjà anticipé, et ils vont dire « Ah oui, mais vous comprenez, le drive ?» les émissions de carbone, hein. Attention, hein, apocalypse climatique, couplé à l'apocalypse virale, donc quand même pas, on va interdire les drives. On va y arriver à ça. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument contrôler les approvisionnements pour faire plier les gens. Donc, dans ces circonstances-là, est-ce que vous avez envie d'être quelqu'un qui résidait dans une grande ville et vous êtes intégralement dépendant du système pour votre alimentation ? Moi, je dis non. regardez la vitesse, mais je l'ai dit depuis le début, il y a 18 mois quand, avec le premier confinement, j'avais dit regardez la vitesse à laquelle ils peuvent suspendre les mouvements de population. Là, avec le pass sanitaire, c'est pareil, enfin le passeport intérieur, regardez comment à vitesse où ça va. Et en quelques jours, on peut vous mettre devant une situation où vous n'avez plus accès aux grandes surfaces. Donc attention, c'est sérieux, c'est vraiment sérieux. Et on va parler ensuite, on va parler de la vaccination et tout ça, on va y revenir sur ce que ça implique. Ça a des conséquences extrêmement graves pour la santé publique. Si on vous dit d'un côté la famine, en gros, hein, et de l'autre l'empoisonnement, ce serait mieux que vous ne vous retrouviez pas à devoir choisir entre la peste et le choléra. D'où l'appel récurrent de notre part, ou d'autres, enfin je veux dire, il y a chez les survivalistes, de ne pas rester dans les grands centres urbains, réellement. Et vous devez trouver des sources d'alimentation parallèles. Voilà, donc des petits producteurs, etc., des gens indépendants. C'est évident qu'il faut aller vers ça. C'est évident. Et les annonces de Macron sont tout à fait caractéristiques de ce point de vue. Et je rappelle que Macron a dit que la vaccination obligatoire, il fallait y réfléchir. Bon, en fait, non. C'est-à-dire, en fait, elle est déjà décidée. Ils vont l'annoncer plus tard à l'automne. Mais vous avez bien compris la mécanique. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Notre auditeur, lui, a pris toutes ses dispositions. Donc, il a ses poules, ses champs. C'est formidable. Bon, commencez très activement à vous préparer. N'attendez pas même l'automne, j'ai envie de dire. Franchement, attendez même pas forcément l'automne. Hein. C'est vraiment... On en est là, quoi. Quelqu'un d'autre là-dessus? Ou je passe au courrier suivant? Bon, on passe au courrier suivant. Merci, boîte vide. Alors, avant de terminer avec justement ça, donc je voulais dire à boîte vide, l'argent, parce qu'il me dit, voilà, il met en adéquation, etc. Oui, c'est bien de vivre en adéquation, mais si tu as des capacités dans le monde financier, n'oublie pas que l'argent que n'ont pas les juifs affaiblit les juifs. Pas le perdre de vue non plus. Donc, deuxième courrier. Bonjour à toute l'équipe de DP. Ce courrier risque d'être long, mais croyez-moi, il vaut la peine d'être lu. Étudiant dans une grande ville de France et désespérément à la recherche d'un emploi, j'ai dû me résoudre à travailler dans une célèbre chaîne de fast-food spécialisée dans la vente de poulet frit, se situant dans un grand centre commercial il y a presque 3 ans de cela. Je pourrais écrire un roman d'anecdotes de plusieurs centaines de pages avec tout ce que j'ai vu dans cet enfer. Il y en a tellement que je ne sais pas par où commencer. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui vont se reconnaître là-dedans. Commençons par les clients. Le restaurant est fréquenté en grande majorité par des nègres. Vous y trouvez toutes sortes de nègres. Du nègre tout droit débarqué du pays, ne parlant pas un traître mot de français, au nègre à lunettes natif de la cité du coin. Il y a aussi évidemment des bougnoules et des cassos blancs complètement afro-bougnoulisés. Étant parfois assigné à un poste en salle, dont la mission consiste à nettoyer le restaurant, j'ai assisté à des choses que personne ne devrait endurer pour un SMIC. Commençons par ce qui est sûrement le plus insupportable, les nègres, qui sont incapables de manger proprement. Je ne sais pas si c'est dans les gènes, ou simplement dans leur culture, mais ils sont tout bonnement infoutus de manger, sans en mettre partout. La plupart d'entre eux ne se donnent même pas la peine de se débarrasser de leur plateau avant de partir, comme il a été dit dans le courrier d'un camarade travaillant dans un hôtel. Ils pensent que payer leur donne tous les droits. Ils laissent des kilos d'os de poulet et de miettes partout sur les tables. Je tiens aussi à préciser que le coût du siège bébé, alors que la maman est enceinte, n'est pas un mythe. Ah oui, vous vous rappelez de cette... C'était relatif à l'hôtel 5 étoiles, là, si vous en vous rappelez. Donc il dit que c'est pas un mythe. Bon nombre de fois, j'ai vu des familles nègres s'attabler avec une de ces chaises en libre-service qui restait désespérément vide. Je comprends maintenant pourquoi. Si par malheur... vous avez le culot de les mécontenter, ils hurlent directement au racisme. Combien de fois j'ai entendu des « c'est pas parce que je suis noir, hein, c'est ça ?» à la caisse, par des nègres insatisfaits. C'est d'autant plus scandaleux que ce sont eux les plus exigeants concernant la propreté des lieux. À la moindre miette sur une table, ils me réclament pour que je vienne nettoyer. Ils arrivent en marchant comme des stars, avec leurs gros sacs remplis de vêtements premier prix, comme s'ils étaient dans un restaurant 3 étoiles. Certains d'entre eux font même exprès de laisser le plus gros bordel possible pour que le sale blanc que je suis galère à nettoyer en me lâchant un petit sourire insupportable avant de s'en aller, les mains dans les poches. Il faut obligatoirement commander sur des bornes, c'est très facile, il y a des images, il n'y a même pas besoin de savoir lire. Un enfant de 5 ans pourrait y arriver aisément. Les nègres sont incapables d'utiliser ces machines. Vous n'imaginez pas la tête des mamas africaines en boubou quand elles se retrouvent face aux machines. On dirait des poules devant une équation. Une fois, j'ai dû aider une négresse à ouvrir son petit sachet de mayonnaise car ses doigts étaient trop gros et gras. Voilà mon quotidien en dehors de la fac. Les bougnoules sont ceux qui sont les plus agressifs. Ils vous parlent comme si vous étiez leur chien ou leur esclave. Des chefs. Du tutoiement, en veux-tu, en voilà. On me demande régulièrement si on a de la sauce algérienne et si le restaurant est halal, comme si on était au kebab du quartier. Environ 80% de mes embrouilles avec des clients se sont faites avec des bougnoules. Je ne supporte pas comment ils s'adressent à moi et je leur fais savoir d'ailleurs. J'ai déjà été menacé de mort par un groupe de jeunes, entre guillemets, que j'ai recadré d'un ton sec devant tout le monde, car il s'adressait mal à moi. On m'insulte régulièrement, dans l'indifférence générale des managers, des « nique ta mère », des « va te faire enculer » à gogo. Je ne peux compter sur aucun soutien de ma hiérarchie. Parmi les non-clients, il y a les Roms qui viennent constamment mendier dans le restaurant. Ne disposant pas d'agents de sécurité, nous devons les virer nous-mêmes. Ces derniers peuvent être violents, s'en prendre aux clients qui refusent de leur donner. Un jour, ils ont frappé un de mes collègues. Parmi les anecdotes drôles concernant les clients, un jour un nègre a demandé à sa négresse au mariage dans le restaurant. A demandé sa négresse en mariage au restaurant. Madame a dit oui. Moins drôle, un bougnoule enragé a sauté par-dessus le comptoir pour récupérer sa commande alors que j'étais à la caisse, car il estimait attendre depuis trop longtemps. Il faut savoir que chez nous, les toilettes pour la clientèle sont hors service depuis des années, Dieu merci, me direz-vous. Un jour, un nègre, mécontent de cela, nous a lancé, moi et mes collègues, derrière le comptoir. « C'est scandaleux! Je viens tout le temps ici, les toilettes ne marchent jamais !» Et j'ai répondu, « Mais si vous savez que les toilettes ne fonctionnent pas, pourquoi continuez donc vous à venir ?» Le nègre s'est décomposé, ses deux neurones venant de s'entrechoquer. Il a balbutié, « C'est pas les façons de s'exprimer aux gens, ça, hein, je vais en parler à vos supérieurs !» En me montrant du doigt, puis il est parti en ruminant des incantations en lingala. Je vais consacrer une petite partie au livreur Uber Eats Deliveroo. Composé à 80% de nègres, 15% de bougnoules, 5% de blancs, ils nous rendent la vie impossible. Certains peuvent être violents. Dernièrement, un livreur bougnoule mécontent a donné des coups de pied dans des commandes d'autres livreurs et tout s'est envolé pour aller s'éclater au sol quelques mètres plus loin. On a dû appeler la sécurité et fermer le restaurant. Je suis régulièrement menacé et insulté si les commandes n'arrivent pas assez rapidement. J'ai toujours peur que l'un d'entre eux sorte un couteau et me mette un coup de casque. Les nègres ont de gros problèmes avec les chiffres. Les commandes ont des numéros, or il peut y avoir de grosses différences entre celui annoncé par le livreur nègre et la réalité. Ils peuvent demander la commande 5420 ou 5420, alors que c'est marqué 1316 ou 1316 sur leur écran, créant d'énormes confusions. Je ne comprends toujours pas ce phénomène. Maintenant, parlons des employés. La grande majorité de mes collègues sont d'origine étrangère. Il y a évidemment des nègres, quelques bougnoules, mais le plus étonnant est la présence massive de Colombiens. En effet, pour une raison que j'ignore encore, la majorité des employés est d'origine colombienne ou sud-américaine. La plupart d'entre eux arrivent pistonnés par ceux déjà présents, ne parlent pas un mot de français et sont globalement peu doués. Comment font-ils pour être embauchés alors que nous recevons chaque semaine des dizaines de CV d'autochtones parfois diplômés et qui feraient le travail 5 fois mieux ? Je pense que la directrice du restaurant a un penchant pour les latinos et doit se faire bourriquer par un bon nombre d'entre eux. Je ne vois pas d'autre explication. Les nègres sont les plus longs à la détente et font parfois des choses d'une débilité impensable pour le commun des blancs. Je confirme bien, après le courrier de notre camarade travaillant dans un hôtel, qu'ils sont incapables d'utiliser les toilettes correctement. Et j'en ai déjà surpris un en train de se laver les pieds dans un lavabo destiné normalement au lavage de main. J'ai un collègue bougnoule obèse qui passe sa vie aux toilettes et qui lâche régulièrement des bombes nucléaires, laissant derrière lui d'énormes traces de pneus qu'il ne nettoie jamais, rendant les lieux olfactivement inaccessibles pour plusieurs heures. N'importe quel homme l'ayant déjà fait vous le dira, travailler avec des femmes c'est horrible, mais travailler avec des négresses c'est l'enfer. Ici nous arrivons peut-être au pire du courrier. En effet, à l'origine, je peux m'entendre cordialement avec les nègres au travail, je peux même avoir des conversations et plaisanter avec eux, nous sommes quasiment tous étudiants. Un jour, alors que j'étais au poste depuis 6 mois, une cliente nègre, en obésité morbide, vient me voir au comptoir car il manquait le jouet dans le menu enfant qu'elle avait commandé. Ne trouvant pas l'objet, Je vais dans le bureau des managers pour demander où je peux en trouver. Le manager, qui était une négresse, discutait avec deux autres collègues, nègres et blasés. Je leur dis, il y a une ménagère qui souhaiterait avoir le jouet enfant et je ne sais pas où ils sont. Les trois se sont alors mis à dire que mes propos étaient racistes, que j'avais dit ménagère parce que la dame était noire. J'essaye de m'expliquer en disant que cela n'a rien à voir avec le fait, c'est pas lié à sa couleur, que j'ai dit ménagère car elle a des enfants, comme le dit l'expression ménagère de moins 50 ans. Rien à faire, la mauvaise foi l'a emporté, j'étais officiellement catégorisé comme un raciste. Plus tard, j'ai appris qu'elle pensait juste qu'une ménagère était une femme qui fait le ménage. Le lendemain, je discutais avec une de ses collègues nègres sur le ton de la plaisanterie. Elle m'a chambré en me disant quelque chose que j'ai oublié depuis et j'ai maladroitement répondu « Toi, je vais t'exciser » en rigolant. Grand mal m'en a pris. Le sourire de l'animal s'est immédiatement effacé. Elle a pris mal la chose et ne m'a plus jamais adressé la parole de la soirée. Elle et d'autres négresses sont allées me balancer à la directrice du restaurant en inventant des mensonges supplémentaires pour m'enfoncer dans le but de me faire licencier. J'ai donc été convoqué brièvement dans le bureau de la directrice quelques jours après pour une leçon de morale, comme quoi c'était des propos honteux, discriminants, etc. Sentant qu'il fallait que je me tire de là, je n'ai rien trouvé de mieux que de dire que j'étais juif et que j'étais moi-même régulièrement la cible de discrimination antisémite. L'expression faciale de ma directrice a alors soudainement changé comme par magie, passant de la gravité à la surprise. Je m'en sors avec un avertissement oral. Bon, on ne va pas recommencer. C'est magique. Les négresses qui s'étaient liguées contre moi ne m'ont plus jamais adressé la parole, faisant comme si je n'existais pas au travail, frustrée à mort que leur plan n'ait pas marché et que je sois toujours là. Mes soucis avec mes collègues nègres ne se sont pas arrêtés. Quelques mois après ce premier incident, une négresse arrivée depuis quelques semaines dans l'équipe et ne m'adressant quasiment pas la parole, jamais un bonjour à rien, a commencé sans raison à lancer des rumeurs sur moi, par l'intermédiaire d'une collègue métisse indo-algérienne, obèse, oui, c'est possible, je vous laisse imaginer la gueule du truc. J'apprends que cette collègue raconte aux gens que je la suis jusqu'à chez elle après le travail et que je fais du voyeurisme dans les vestiaires des femmes et que j'ai ouvertement dit que je n'aimais pas les noirs sur le lieu de travail. J'ai déposé une main courante contre cette folle avec qui je n'ai jamais pu m'expliquer. Elle a démissionné juste après. Notre collègue nègre, d'une cinquantaine d'années, a également tenté de me faire virer pour harcèlement moral, car je lui ai dit quelque chose qu'elle n'a pas apprécié. Toutes ces tentatives ont échoué. J'ai démissionné de mon plein gré il y a un mois. Plus jamais je ne travaillerai dans cet enfer. J'espère que ce courrier sera lu dans une prochaine émission. Je n'ai pas pu tout raconter, tellement la liste est longue. Longue vie ADP, et c'est signé Charles. Alors messieurs, très trapu, hein, dense, extrêmement dense, qui corrobore ce qu'on a souvent dit. Une réaction à chaud sur cette avalanche, c'était très nègre en fait, hein, comme environnement. Je crois que ce mec-là n'ira pas au purgatoire en fait, il va aller directement au paradis, parce que là, avec tout ce qu'il a subi, c'est bon quoi, c'est bon, il est pardonné. Tout est pardonné. Ouais, là, non, parce que là, il faut une patience... Ah, c'est digne du Bouddha, je sais pas, de tout ce que vous voulez, quoi. C'est fou. Trois ans, visiblement. Hein. Moi, un mois, j'aurais pas pu. Je crois que trois ans, là, je sais pas. C'est... Par contre, il est devenu turbo-raciste, hein, dans l'exercice de ses fonctions. Ah bah, il a eu la révélation de l'éther nègre, hein, c'est-à-dire le nègre éternel qui n'a pas changé depuis le paléolithique. Hein. C'est ça. Très très bien, le voilà en tout cas illuminé, tu parlais du Bouddha, une illumination intérieure, donc au contact des nègres. Alors il y a pas mal de choses, hein. Il y a les nègres et les toilettes, c'est compliqué, hein, c'est très difficile. Visiblement les Algériens aussi d'ailleurs, hein, c'est pas simple. D'une manière générale, les nègres et l'hygiène, c'est aussi très complexe. Hein. Mais ce qui ne fait pas... pour autant des clients qui ne sont pas exigeants au niveau de l'hygiène, ils veulent quand même saloper quelque chose de très propre, hein. Ça, c'est cohérence, hein. Donc il faut que ça soit immaculé quand ils arrivent et ils te laissent un truc cradingue en disant que toi, le blanc, tu es leur esclave, hein. Donc ça aussi, c'est les vertus du capitalisme. Voilà. C'est parce que les nègres sont dotés d'une rare capacité à oublier qui ils sont et à oublier d'où ils viennent et à se prendre pour des rois et des reines. Moi, j'ai constaté de visu dans leur bled que les mecs ont un ego surdimensionné, alors que ce sont, par exemple, des gens qui sont tout en bas de l'échelle sociale. Si vous vous êtes jamais fait prendre de haut par des femmes de ménage ou par ce genre de catégorie socio-professionnelle, allez faire un tour en Afrique, c'est très drôle. Moi, j'ai rien contre les gens qui sont en bas de l'échelle. Je pense que, quel que soit le niveau dans lequel quel que soit notre niveau, notre CSP, il faut juste être aimable avec tout le monde. Mais eux sont capables, alors qu'ils ont les deux pieds dans le caca, de vous expliquer la vie, de vous faire la morale et de vous prendre de haut. Moi, je trouve ça formidable. Continuez, les mecs. Ils vont continuer, Bah, hein, je te rassure. Hein. c'est ce que moi je dis souvent, c'est-à-dire que leur niveau d'arrogance est inversement proportionnel à leur QI. Et leur QI est très très bas, leur niveau d'arrogance On c'est est sur stratosphérique. Hein. du 65 hein, quand même, hein, grosso modo. Hein. On est sur un petit 65, ouais. 65, ouais. Alors non, hein, la bouffe ne fait pas monter le QI. Hein. L'argumentaire, oui, mais vous comprenez, ils mangent pas assez au Congo, donc ils ont 65, mais dès qu'ils mangent à leur faim, etc., ils sont à 100. Non. Non, non. Non, non, non, C'est... Non, non. non, non, non. D'ailleurs, là, je présume que c'était au KFC, en fait. Hein. Au KFC, ils mangent à leur faim. Hein. Ils sont gros, gras, bris d'huile. Vous voyez, ils sont luisants, vous voyez. Ils restent à 65. Donc vraiment, ça, cette théorie, non, c'est n'importe quoi. Hein. Non, non, faut expliquer aux gauchistes, hein, quand vous avez 1 million d'Africains qui crèvent la dalle et que vous les nourrissez. Vous n'allez pas obtenir 1 million d'Africains avec un QI 100. Vous allez obtenir 5 millions d'Africains qui crèvent la dalle. Et ils seront tout aussi cons que le premier million. Oui, tout à fait. De toute façon, tu viens de résumer à peu près l'équation de l'Afrique au XXIe siècle, hein, grosso modo. Hein. Mais c'est ce qu'on appelle hein, des nuisibles. Ce sont des nuisibles, vous savez, il y a des espèces de nuisibles comme ça. Comme le renard, par exemple. C'est beau le renard, j'aime beaucoup le renard, mais quand ça pullule, ça devient nuisible. C'est pareil. Alors, non, les renards sont quand même beaux. Je ne vais pas dire que les Algériens sont beaux, quand même. Il ne faut pas quand même pousser non plus la comparaison trop loin, ni les nègres. Mais ce sont des nuisibles, donc il faut drastiquement encadrer leur prolifération, hein, c'est tout à fait clair. Or, vous aurez remarqué que les autorités françaises travaillent exactement à l'inverse. Hein? Ils veulent autre chose, déjà. D'où l'ouverture de KFC, d'ailleurs. Mais moi, j'admire, hein, en toute sincérité, j'admire le courage de ce jeune blanc qui fait ce métier-là simplement parce qu'il faut se payer ses études, il faut payer son logement, il faut avoir à manger. Et voilà. Donc, là, vous voyez deux types de populations quand même en confrontation. C'est-à-dire, t'as un jeune blanc, il démarre de pas grand-chose dans la vie, il utilise son cerveau, il fait des études. Bon, voilà. Hein. Par son travail, il compte s'élever socialement. Puis à côté de ça, vous avez ces immenses populaces marrons pris en charge de A à Z avec l'argent des blancs, donc l'argent des petits blancs qui vont bosser par l'intermédiaire de ce magnifique ministère qu'on appelle le ministère du Fisc qui est localisé à Bercy, avec des acronymes magiques comme CAF. Allocation familiale, connaissez tout ça, hein. Et qui ensuite vous crache sur les pompes à la moindre occasion, vous voyez, parce que voilà, enfin c'est bon, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon. Donc j'admire beaucoup ce jeune pour son courage. Et je dirais ceci, évidemment, quand on écoute des témoignages pareils, on est quand même effondré, même ici, je veux dire, on est parfaitement informé du problème, on est quand même effondré. Que des petits blancs soient plongés dans ce genre d'enfer racial, en fait. Mais il faut rester positif, et je dirais à ce jeune-là qu'il a, grosso modo, compris le plus important dans une société multiraciale, à savoir les déterminismes raciaux. Donc il les a compris à leur contact direct. Donc ça, c'est pas de la théorie, c'est pas, voilà, c'est pas de l'intellectualisme, voilà, il les a vécus, il les a compris. Il y a beaucoup de choses qu'il a pu appréhender pendant ces longs mois, ces longues années de souffrance, et il pourra en tirer bénéfice le reste de sa vie durant, d'accord? Lui-même en faisant des choix en termes d'habitat, etc., mais aussi quand il aura des gamins qui va les éduquer, en les mettant en garde, etc. Voilà. Donc c'est une vraie expérience dans une société multiraciale que de connaître les autres races et de savoir à quel point elles sont nuisibles, hein, et donc de s'en défendre, de se prémunir d'elles. Donc ça, c'est très positif. C'est très, très positif. Il n'y a rien de mieux, hein, je veux dire, parce que c'est vrai que quand tu expliques ça à des gauchistes, je veux dire, endurcis, bon, bon, t'as des gens, ils sont fous, hein, t'as des gauchistes fous qui sont, de toute façon, tu peux là. Tu les mettrais au KFC dans les mêmes circonstances, ils ne tiraient aucune conclusion. Aucune conclusion, et 3 ans après, ils gueuleraient contre le racisme blanc, c'est bon. Mais, voilà, c'est pas le cas de notre jeune, et donc, voilà, je pense qu'il est bien armé maintenant pour faire face à la société multiraciale. Quelqu'un d'autre là-dessus, sur ce témoignage? C'est assez marrant aussi de voir que entre un hôtel 5 étoiles, d'un témoignage précédent, vous vous en rappelez nécessairement, et un KFC près d'une banlieue grand remplacée, on observe les mêmes comportements. Vous voyez, donc ce qui démontre que l'explication est bien biologique, elle est génétique, hein, elle est raciale, hein, c'est clair. Hein, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas un phénomène de télépathie, je veux dire. Donc voilà. Donc oui, la race, c'est réel. Ce n'est pas une construction sociale, hein, non, non, c'est très très réel. C'est biologique. Ça s'observe aussi bien dans un hôtel huppé en Suisse que dans une banlieue pourrie d'Île-de-France. Parce que ce sont tout simplement les mêmes populations. Donc, même cause, même conséquence. Même cause raciale, même conséquence raciale. Voilà. Donc, voilà. On va faire un petit peu d'éducation dans le domaine. Donc, merci à notre auditeur pour ce témoignage assez brutal, mais qui permet quand même de démontrer par A plus B que tout ça est résolument ancré dans la réalité. Hein. Nous ne sommes pas dans le fantasme. Nous ne sommes pas des nazis qui fantasment. Hein. Nous sommes dans le réalisme racial. Avant que on termine, peut-être. Oui, Alex. Oui, on décrit ces banlieues pourries, comme tu l'as dit, comme des quartiers populaires. C'est une des expressions employées. Bon, mais il faudrait voir aussi combien coûte un menu KFC. Alors, je sais que c'est pas 100 ou 200 euros, mais mine de rien, on dit que ces gens-là sont très pauvres et que vraiment on les discrimine, tout est contre eux et tout ça. Mais en fait, un repas, ça coûte pas loin de 10 euros, je pense, un repas au KFC. Donc, quand on sait qu'un paquet de... On parlait tout à l'heure d'être autonome alimentairement, de faire des réserves. Un paquet de pâtes, c'est 1 kilo, c'est à peu près 1 euro le kilo. Donc, quand on peut se permettre comme ça d'aller plusieurs fois par semaine ou par mois au KFC ou au McDo ou autre, c'est qu'on a de l'argent à claquer. Hein, on a l'argent de blanc à claquer, ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Ou l'argent de la drogue aussi. Ce sont des gens qui ont des activités très productives. N'est-ce pas? Ah, mais, le fisc ferait bien de s'y intéresser un petit peu plus, hein, en accord avec la police. Ils sont très doués pour persécuter certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Hein. Effectivement. Non, je dis ça souvent, tu sais, encore récemment, je lisais une anecdote comme ça. C'était pas des Noirs. Je crois pas que c'était. Je suis pas sûr que ce soit des Noirs. Je crois pas que c'était des Noirs. Je crois que c'était des Algériens, des Maghrébins ou peut-être des Turcs. Les Turcs sont assez forts dans cette partie-là aussi. Ils ont ravagé une Lamborghini de location lors d'un mariage. Les mecs faisaient des courses sur. Ils ont planté Lamborghini. C'est les professionnels de ça, c'est les professionnels de la flambe. Les types sont dans des grosses bagnoles et tout. Tu vois. C'est des gens qui. Enfin, c'est de la sous-race, il n'y a rien à faire, c'est tout. Voilà. Si, il y a une chose à faire, c'est d'être ultra raciste. Il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, voilà, il faut être ultra raciste. Ce sont des populations de merde. Alors, il y a. Je ne sais pas hein, ce que vous préférez. En enfer, quel cercle vous choisissez, je ne sais pas. Est-ce que vous optez pour les nègres? Est-ce que vous optez pour les Algériens? Je ne sais pas, mais ce sont vraiment des races de merde. Hein. Universellement, hein, des races de merde. Hein. Vraiment. Mais vraiment tant que les Blancs deviennent racistes, et pas qu'un peu. Hein. Et les quelques-uns qui fréquentent ce genre d'établissement, qu'ils fassent la cuisine eux-mêmes. Hein. Ah ouais, non, mais attends. Non, puis c'est insultant. Moi, par exemple, moi, si on me demandait demain de pouvoir écrire des lois... Bon, bah évidemment, de toute façon, toutes les races de merde sont évacuées, mais jamais un blanc ne serait au service de races de boue. C'est impossible, interdit, strictement par la loi. Impossible, impossible. C'est complètement fou. Ces scènes sont complètement oui, folles. Oui, d'ailleurs, il y a eu pas mal de cas à Paris, de saoudiennes ou de saoudiens, ou de gens du pays du Golfe qui ont du fric à plus savoir quoi en foutre grâce au génie des blancs, au génie. Boréal des Blancs, si je puis dire. Et ces mecs-là, il y a des tonnes de procès envers eux Parce qu'ils traitent les gens mais comme de la merde, comme des esclaves. T'imagines, t'es un plombier blanc, t'as 40, t'as 50 ans, tu penses que tu vas faire un peu d'argent honnêtement gagner ta vie en travaillant pour des gens qui en ont plein. Tu vas là-bas et la bonne femme, elle te crache dessus physiquement, elle te traite de tous les noms, elle te dit, elle te laisse pas sortir de la porte quand tu refuses son bouse de faire ce qu'elle te demande. Mais enfin, mais où va-t-on en fait? Moi, j'irais encore plus loin que toi, c'est-à-dire que déjà, oui, effectivement, toutes les races de boue devraient partir, mais il n'y en a plus aucune qui ne pourrait avoir le droit de posséder du bâtiment en France. Notamment, a fortiori, quand ce sont des bâtiments historiques. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que c'est les années 2015-2016, dans ces eaux-là, tu avais un bâtiment classé à Paris avec des peintures magnifiques qui dataient du 17e à l'intérieur, et ça avait été racheté par un émir quelconque, ou un fils d'émir. Et en fait, ce connard, il voulait faire à l'intérieur d'un bâtiment qui datait du 17e, du coup, un ascenseur pour ses voitures de luxe. Un ascenseur pour ses voitures de luxe. Ah, mais vous vous rendez compte? Et comme par hasard, il n'a pas eu l'aval des bâtiments de France. Et vous savez ce qui s'est passé dans l'immeuble? Ah, il y a eu un incendie, quoi. Ah, ben, il y a eu un incendie. Eh ouais. Disait Michel Sardou, ils ont le pétrole et c'est tout. Bah, c'est-à-dire que eux, leur conception, si vous voulez, eux, ils collectionnent justement les Lamborghini, les Ferrari, tout ça, mais comme ils collectionnaient jadis les chameaux, je veux dire, l'univers mental est le même, hein. C'est l'univers mental des nomades de la péninsule arabique. Ils ont des harems, ils ont des chameaux, parce que c'est comme ça chez eux, c'est comme ça qu'on mesure le pouvoir, n'est-ce pas? C'est pas de l'utilité qu'on fait des chameaux, c'est que c'est de la monnaie. On échange du chameau contre des femmes, par exemple. J'avais des amis comme ça, c'était très drôle. Des jeunes femmes, bon, elles étaient jeunes, hein, elles étaient adolescentes, elles suivaient leurs parents en vacances, je crois, en Tunisie ou au Maroc. Bon, alors, pas la destination que je choisirais, évidemment, vous m'avez bien compris, et je ne la recommande pas. Mais c'était de ça il y a 20 ans en arrière, et donc, des amis d'école, donc, qui me font part de l'anecdote, me disent, ben, on a été avec mes parents et tout, il y avait je crois que c'était en Tunisie, il y avait un Tunisien qui s'était entiché, donc, de cette jeune femme, hein, donc, une jeune blanche, hein. Et alors, il avait promis je ne sais plus combien de chameaux aux parents de la nana en échange du mariage. Je ne sais plus combien, mais ça représentait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent selon les standards tunisiens. Mais c'était des chameaux. Vous comprenez? C'est bon, on est ailleurs, on est dans un monde complètement différent, d'accord? Bon, c'est leur monde à eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais là où ça commence à mal tourner, c'est quand vous les importez en Europe. Et ça ne marchera jamais, parce qu'on le sait, ça ne fonctionnera jamais, d'accord? Et on ne pourra pas changer leur mentalité. Moi, je ne veux pas changer leur mentalité. C'est leur mentalité à eux. C'est une mentalité héritée de siècles et de siècles. Voilà, ce sont des nomades dans les grands espaces désertiques. C'est autre chose. Mais il ne faut pas les installer dans des grandes villes, en Europe, en climat tempéré, avec des populations sédentaires, agricoles. Ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout. Voilà, mais ça, c'est de l'ethnographie appliquée. Les gauchistes, récusemblent, voilà. Ils sont malheureux en plus. Alors, ils sont heureux parce qu'ils sont pris en charge par la CAF, il y a du pognon gratuit, ils peuvent faire n'importe quoi, mais fondamentalement, c'est des dégénérés. Je veux dire, selon les standards arabo-islamiques traditionnels, tous ces rabzats de banlieue sont des dégénérés intégraux, hein. Je veux dire, PNL, c'est un dégénéré intégral. Je veux dire, ouais, je veux bien qu'il me dise, ouais, je suis musulman, ouais, si tu veux, mais t'es un dégénéré. Point barre. Voilà. On est quand même très loin de la tradition islamique de la péninsule arabique. Hein. Alors évidemment, il y a un côté boukak qui ressort, hein, je veux dire, fatalement, mais bon, tous ces gens-là doivent être remigrés, hein, en bloc, en bloc, en bloc. De toute façon, et ça je le dis aussi, hein, le jour où les blancs arrêtent de payer, le jour où les agriculteurs blancs arrêtent de fournir, ils se cassent. Hein. Leur présence n'est pas naturelle. Les Somaliens en Finlande ou en Suède, etc. Ça n'est pas naturel. Ils sont là-bas parce que vous avez cet État-providence qui paye, vous avez ce logement gratuit, vous avez le pognon. Et ces cons-là ne s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent même pas compte. Ils crachent à la gueule de ceux qui leur filent ça en plus. Mais que ce système s'écroule, c'est-à-dire que ce système de cavalerie financière avec l'endettement, les programmes sociaux, que ça s'arrête, Mais ces gens-là, ils repartent tout de suite dans leur pays. Ils préfèrent 100 fois être au soleil à fouiller la terre pour bouffer 2-3 racines que d'être dans la neige à devoir bosser. Ça les intéresse pas du tout. Ils sont programmés génétiquement pour pas vivre dans ces milieux-là, c'est tout. Voilà. Comme ferait la chanson « Pas facile gagner l'argent français » de je sais plus qui, là. Il y a le froid, il y a la neige, il y a le vent. Pas facile gagner l'argent français, bosser, bosser. Bah, oui, il y a le froid, mais les Blancs fournissent le chauffage. Ils fournissent le logement aussi avec le chauffage. Ils fournissent l'argent pour aller au KFC, pour avoir du poulet l'hiver, et pouvoir comme ça se tenir au chaud. Tu vois, ils fournissent le marché pour la drogue, pour s'acheter des doudounes hors de prix, pour pas avoir froid l'hiver, etc. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Bon. Qu'on en finisse avec ces nègres, je veux dire. Qu'on en finisse avec ces nègres. Ils seront jamais adaptés à ces climats, qu'on s'en débarrasse. C'est tout. C'est tout. Tiens, puisque on dit un peu du mal des nègres, pour changer. Mais il y a de quoi, hein, c'est sûr. C'est pas volé. Hein. Vous avez vu la petite séance là de Macron à Lourdes, hein, avec la. Oui, donc il a fait tabasser un type là, et il était. Donc c'est la première fois, hein, apparemment, qu'un président de la République s'est rendu à Lourdes. Vous savez pas. Je l'ai appris à cette occasion-là. Et ils n'ont pas choisi par hasard, mais c'était une métisse qui lui chantait, je sais pas quoi, l'arrivée de Jésus ou un truc comme ça. Je veux dire, toutes les images sont soigneusement choisies, les messages subliminaux sont envoyés, quoi. Ça me rappelait un peu De Villiers, sa Jeanne d'Arc métisse, mais on était sur le même registre. Je dis ça en passant, c'est parce que les gens ont dû voir la séquence. Mais voilà, je sais pas si vous voulez dire quelque chose de ce moment-là, soit pas nécessairement sur la métisse, parce qu'on a compris le message, mais le fait que le type ait un peu gueulé, que ce... Il a rien fait, il n'a même pas attaqué les gens. Il a juste dit Macron, tu devrais avoir honte, ou je crois un truc comme ça. Et bon, on l'a passé à tabac, quoi. Ouais, c'était violent. Oui, effectivement, il n'a fait que tenir quelques propos, comme quoi Macron était un athée primaire, notamment. Ce qui est vrai, probablement. Enfin, ou alors, il y a peut-être une symbolique quand même qu'on réutilise, mais quand on voit Macron prier avec les mains qui se rejoignent comme ça, c'est. Normalement, c'est les enfants uniquement qui prient comme ça. Les adultes, on ne les voit jamais dans les églises prier de cette manière. C'est très curieux. Il a prié ? Non. Ben, il a prié, oui. Il y a une photo, en tout cas, où on voit les mains qui se rejoignent, là. Non, mais ça, il fait ça tout le temps. Il se prend pour une émoji, en fait, cette espèce de... Mais en fait, c'est ça, c'est des codes de communication que son équipe lui donne. Hein. Par exemple, il dit, voilà, les demeurés d'Algériens sur Twitter, et les nègres, ils comprennent pas quand tu parles. Donc, fais une émoji, ils vont comprendre. Mais c'est ça, mais je vous assure que c'est ça. Je vous assure que c'est ça. 65 de QI, hein, vraiment, je n'exagère pas. Hein. Donc, je crois que, sauf si tu me dis, voilà, il était à genoux dans une église, et il avait les mains comme ça jointes, ou alors il était là, mais s'il est autour d'une foule, et qu'il a les mains jointes comme ça, comme tu me dis là, il fait une émoji. Oui, il y a peut-être un peu des deux. En tout cas, il y a la réutilisation des symboles. Tu as parlé tout à l'heure du 12 juillet, là. Donc là, il a réutilisé le symbole de la Tour Eiffel. Lors de son élection, il était devant le Louvre, aussi lieu chargé symboliquement. Il y a comme ça des choses un peu mystiques. Une fois, il avait dit que les jeunes générations devaient savoir que la bête de l'événement arrivait. Là, finalement, C'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Oui, tout à fait. Ouais. Vous pouvez taper sur bête, donc comme une bête, plus loin de l'événement. Alors, c'est une phrase qui est presque à peine compréhensible en français. Hein. La bête de l'événement arrive. Alors, certains y ont vu peut-être l'Apocalypse. Et effectivement, curieusement, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, il y a écrit « Nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne possède la marque de la bête ». Alors, ne s'agit-il pas de ce vaccin et de ce pass sanitaire, finalement? Je sais que beaucoup de cercles chrétiens identifient effectivement ce qui se passe actuellement avec le pass sanitaire à cette annonce prophétique dans l'Apocalypse de Saint Jean. Je laisse chacun en juger, mais de toute façon c'est quelqu'un qui est, enfin c'est un maçon, c'est un maçon parce que de toute façon voilà, enfin, Ena et compagnie, Attali, etc. Vous connaissez l'affaire, enfin c'est presque obligatoire à ce stade. Hein. Mais non, là il nous a fait du syncrétisme, hein, le roi de France qui va visiter comme ça. Les lépreux, voilà. Je sais pas s'il a guéri des gens en passage d'ailleurs. À mon avis, il aura plutôt filé la ch'touille, mais bon, je sais pas. Mais comment dire, cette scène était grotesque, tout à fait à l'image d'ailleurs de sa présidence. Mais il a franchi le Rubicon, c'est-à-dire que c'est marrant parce que vous savez, il démarche agressivement les musulmans. Enfin, il fait du clientélisme religieux, je veux dire, communautariste, quoi. Comme disent les républicains, il fait du communautarisme électoral. Et là, c'est ce qu'il faisait aussi, quoi. Il fait de la segmentation, il cornarise le marché, quoi. Alors je présume que les cathos centristes, vous savez, là, les cathos Vatican II, quoi, les cathos lambda, genre les vieux, ils sont là, ah ouais, bien Macron, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Les traditionnalistes, je suis pas sûr. Hein. D'ailleurs, ils ont pris un coup de poignard dans le dos cette semaine, les traditionalistes avec Bergoglio qui a supprimé, grosso modo, hein, bon, l'exercice de la messe en latin, hein, ça y est, hein, c'est la libéralisation qui avait été voulue par Benoît XVI est abolie 8 ans après son annonce. Et donc voilà de nouveau donc les catholiques de tradition. Bah oui, cordialement invités à aller se faire foutre hein, par le pape. C'est passé pratiquement le même jour, hein, le truc de Macron et de Bergoglio, c'est à peu près le même moment. Hein. Je ne vais pas dire que c'est coordonné, mais bon, je l'observe, quoi. Il y a, à mon avis, il y a une coordination quand même entre Bergoglio et Macron. Faut pas rêver quand même. Hein. Je veux dire, Bergoglio veut voir Macron réélu. Hein. Faut pas se tromper. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. Peut-être si vous en voulez pas. Ouais. En tout cas, il y a des convergences. Bergoglio avait dit lui aussi qu'il fallait partager généreusement et chrétiennement les vaccins au monde entier. Voilà, bah écoutez, votre don, moi je le refuse. Hein. J'en veux pas, gardez-le, votre don. Et... Il s'est fait opérer le vieux là de l'intestin, je crois. Ouais. Il veut pas crever quand même. 84 ans, il est quand même bien en forme. Hein. Je crois qu'il va nous hanter encore jusqu'à ses 95 ans, celui-là. Ouais, c'est Ratzinger a toujours envie, hein, tu vois. ouais. Ce serait marrant qu'il y ait il démissionne, il y en aurait trois. Enfin, là, ce serait un sketch, mais bref. Moi, je sais pas à bon point où ils en sont, je veux dire. Non, sur la messe en latin, je dirais simplement, comme j'ai envie d'en parler brièvement, je veux dire, ils avaient, bon, de toute façon, dès l'origine, en fait, le pape Benoît XVI, qui n'est pas un traditionnaliste, attention, hein, il s'inscrit dans la tradition moderniste de Vatican II, hein, mais il avait quand même eu, on va dire, cette intuition de ménager une part assez dynamique dans l'Église catholique, évidemment, qui est une minorité, mais qui, en fait, ne fait rien de mal. Je veux dire, ils observent les rites qui étaient en vigueur jusqu'en 62. Je veux dire, y a rien de délirant, je ne sais. Mais il avait compris ça, et ça avait mécontenté d'abord et avant tout les Juifs. C'est-à-dire que lors de l'annonce du motu proprio de Benoît XVI, toute la presse juive a hurlé à la mort. Ça avait généré de très virulentes réactions. Donc, ça fait des années que cette contre-offensive des juifs, de la maçonnerie, évidemment des homosexuels militants, donc les trois forces qui contrôlent le Vatican, sont à l'œuvre pour en venir à bout. Je vous rappelle que Benoît XVI a été chassé du trône de pierre à la faveur d'un coup d'État financier. Hein, on a mis le siège bancaire au Vatican et il a démissionné. Et voilà, on en arrive à la situation présente où en fait on revient complètement en arrière et il n'est plus question, même marginalement, de tolérer la présence de catholiques de tradition. Bon, alors du coup, moi je pose un peu la question. Je veux dire, bon, évidemment les catholiques de tradition ils vont continuer à faire ce qu'ils font, mais enfin ils se font quand même dégueuler dessus depuis un demi-siècle par une institution qui ne veut pas d'eux, qui explique sur tous les tons qu'ils ne sont même pas catholiques. Bon. Alors que ce sont peut-être les seuls à l'être, qui veulent les empêcher de pratiquer simplement. Bon, voilà, bon, alors peut-être qu'ils veulent comme ça durer encore 50 ans et 100 ans, je ne sais pas, mais je vous avouerai que je ne vois pas très bien la finalité. Et je dois dire hein, que sur l'action de Monseigneur Lefebvre, je ne comprends pas pourquoi, en fait, il n'a pas poussé son raisonnement au bout. En proclamant que le pape était hérétique, et en organisant un contre-conclave et en déterminant un propre pape. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'a pas osé aller jusque-là. Il a quand même ordonné des évêques. Bon, je ne comprends pas pourquoi considérer, parce qu'ils le disent, hein, je veux dire entre eux, hein, ils disent que les papes modernistes sont de fait hérétiques. Alors bon, ils ont sûrement des trucs, oui, la discipline, mais bon, je ne vois pas exactement où ça mène. Et bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà la situation. Hein, donc très grand recul, hein, très grand recul. Voilà pour ces, pour les traditionnalistes. Quelqu'un là-dessus? Oui, bon, les traditionnalistes, ouais, ce sont des vacantistes honteux qui n'assument pas. Ça leur fait beaucoup de tort parce qu'ils sont le cul entre deux chaises, donc ils sont pas, ils peuvent pas être droits dans leurs bottes. Benoît XVI est venu vers eux, il leur a proposé un deal, en gros, bon, c'est vrai que ta messe, elle est bien, allez, vas-y, tu peux la faire. Mais par contre, attention, hein, tu reconnais mon autorité. Notamment, il y avait eu des arrangements au niveau du canon de la messe pour citer voilà, le pape actuel. Donc, ce qui revient à le reconnaître comme pape. Donc, en gros, le deal, voilà, c'était on vous lâche un peu de lest, mais pas de sélévacantisme. Faut bien voir quand même que la fraternité Saint-Pédis, la fraternité de Monseigneur Lefebvre, c'est une minorité qui n'est pas si minoritaire que ça. Il y a quand même, peut-être dans le monde, 1 million de personnes, tu vois. C'est pas rien. Et bon, ils se sont fait un petit peu avoir comme ça, ils ont accepté de rentrer dans le deal. Maintenant qu'ils ont rentré dans le truc, François arrive, il leur dit, allez vous faire enculer, finalement, votre messe, on laissera pas passer ça. Donc au final, bon, moi je crois qu'il ferait mieux d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils pensent, parce que secrètement, ils sont tous convaincus que François est un hérétique. Non mais il l'est, je veux dire, ça c'est au-delà de toute Non discussion. mais eux, ils le pensent, et ils n'osent pas en tirer les conclusions et agir en conséquence. Oui. Si François est hérétique, dans ce cas-là, c'est pas l'Église catholique, quoi. Et dans ce cas-là, il faut le dénoncer. Et bon, je pense que même ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que y a pas que François qui était pas pape, en fait. Faut remonter plus loin que ça. Tout ça, ils le savent très bien, ils n'osent pas le faire. Bon, faudra un jour ou l'autre, il faudra le faire. Hein. Soit les gens sortiront de la fraternité de Monseigneur Lefebvre et dénonceront l'apostasie, soit la fraternité sera obligée de le faire, c'est l'un ou l'autre. Bah, tu en as eu, hein. Tu as Monseigneur Williamson qui a ordonné d'ailleurs plusieurs évêques. Tu as comme ça des toutes petites communautés qui sont un peu plus radicales, mais effectivement, je veux dire que Rome est hérétique, que les papes sont dans l'erreur, bon, oui, c'est bien gentil, mais non, il faut vraiment en tirer des conclusions. Et en fait, ils sont dans cette. Et c'est le problème d'ailleurs, parce que c'est toute la difficulté dans laquelle ils se trouvent, c'est qu'ils sont ultramontains, ils sont depuis le 19e siècle en fait, ils sont ultra-papistes. Mais ils ne sont pas cohérents avec eux-mêmes, c'est Non. ça. Tu peux être ultra-papiste, mais dans ce cas-là, le pape ne peut pas être dans l'erreur. Donc s'il professe des erreurs de foi, c'est que c'est un hérétique, et c'est qu'il n'est pas pape. Tu vois, faut aller jusqu'au bout de ta logique, c'est tout. Quand tu as une logique, faut aller au bout. Exactement, mais c'est pour ça que, en raison de ces atermoiements et de négociations qui traînent, parce qu'en plus les prélats de cette fraternité, en fait, ils jouent un jeu très trouble, hein, ils ont des relations permanentes avec Rome, etc. Bon. Ils ne sont pas dans une rupture, mais je vois pas l'avantage Et puis ça a existé dans le passé, je veux dire, hein, je veux dire, il y a eu plusieurs papes, hein, c'est déjà arrivé, des antipapes, etc. Bon, bah, au bout d'un moment, il faut quand même. Mais bon, moi, là, c'est un point de vue totalement extérieur, mais on voit bien que dans cette église-là, d'accord, donc l'église mainstream, celle qui est reconnue officiellement par les pouvoirs publics, etc., hein, les évêques que vous voyez dans les différentes paroisses, bah, qui ont en charge les différentes paroisses, vous voyez bien que ces gens-là, jamais, jamais, jamais, jamais, ils ne reviendront à la ligne traditionnelle ou orthodoxe. Jamais. Ça n'arrivera pas. C'est quand Monseigneur Lefebvre a organisé sa fraternité, au départ d'ailleurs, c'était petite initiative comme ça, il n'avait pas de. D'abord, pour lui, il n'avait pas anticipé l'ampleur que ça prendrait. Voilà, c'était pas, il n'avait pas de calcul de cet ordre-là. Donc, ça a pris l'ampleur que ça a pris face aux événements. Mais même lui, quand il a lancé son initiative, en fait, pour sauver les rites essentiellement, hein, il avait dit, bon, Vatican II, c'est néfaste. Il faut sauver la messe traditionnelle qui est au centre de l'Église dans son existence terrestre. Mais il n'avait pas imaginé que ensuite Jean-Paul II, dans les années 70 et 80, emmènerait l'Église vers ce qu'on a vu et tout ce qui a suivi, quoi. C'est juste confronté à la situation qu'il a progressivement, comment dire, durci ses positions. Mais il n'a pas été jusqu'au bout parce que sa démarche au départ n'est pas une démarche sécessionniste. Il n'a pas une démarche sécessionniste. Au départ, quand il fonde, quand il prend son initiative, son idée c'est juste de sauver le rite. Et il se dit, ouais, bon, ouais, c'est vrai que c'est un peu le chaos à Rome, mais bon, ils vont peut-être clarifier, on va voir comment ça se passe, etc. Mais voilà, maintenant, il y a plus de 50 ans sont passés, environ 50 ans sont passés, et l'illusion que la papauté va changer de direction, c'est faux. Ça n'arrivera pas. C'est faux. Ni le pape, ni les cardinaux, ni les évêques, vous n'avez qu'à suivre les synodes si ça vous intéresse. Regardez, parce qu'il y avait notamment le synode sur la famille en 2015, je crois, avait été parfaitement clair, en fait. Les gens qui font encore preuve de bon sens parmi les évêques, il y en a, c'est une toute petite minorité. Je veux dire, les autres sont tous acquis au délire LGBT, ils sont tous complètement inféodés aux juifs, ce sont tous des démocrates, voire carrément des marxistes. Enfin, je veux dire. On a des évêques en Allemagne qui ont béni des homosexuels. Ah oui, non, mais ça, c'est parmi les plus grands évêques de Belgique, ils professent publiquement leur volonté de mettre en place le mariage des sodomites. Un truc qui, excusez-moi, c'est écrit dans les évangiles, c'est écrit dans la Bible, enfin, c'est les textes fondateurs du christianisme. Ça vaut la damnation. Je sais pas ce qu'il faut aux gens. Je veux dire, ils sont en public, ils se racontent, parce que eux-mêmes sont des pratiquants, hein, sans mauvais jeu de mots. Ce sont des pratiquants. Donc forcément, voilà, et vous ne pourrez pas tirer ça de cette fosse à purin. Donc voilà. Et là, le problème, c'est que la Fraternité Saint-Pédis n'a pas été conçue pour ça. C'était pas du tout l'esprit de Monseigneur Lefebvre. Du coup, ça fait 50 ans qu'ils sont là en train de naviguer. Ils essayent de se rabibocher sans se rabibocher, c'est parce qu'ils sont dans le culte de Rome. Et le fait qu'ils soient ultramontains est en train de les perdre. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Voilà, Non, mais je crois qu'il faut que, voilà, il faut qu'ils reconnaissent, qu'ils soient cohérents avec eux-mêmes. La seule solution, c'est de décréter que ces gens-là ne sont pas papes, c'est le siège vacant, point barre. Bah, si tu dis le siège est vacant, donc position c'est vacantiste, c'est très bien, mais ça t'avance pas plus. Je veux dire, il faut un pape quand même. Bah, déjà, si, parce que ça peut déjà permettre de dire, ce mec-là, François, c'est pas un pape. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, les positions du concile, etc., tout ça n'a pas de valeur. Oui, mais tout à fait. Mais je pense que, alors évidemment, ils disent on n'arrivera pas, etc., truc, machin, il faut pas faire ça comme ça. Bon, ça c'est leur, ça les concerne. Mais bon, je pense qu'ils auraient beaucoup plus d'impact s'ils avaient un vrai pape et qu'ils le désignaient, n'est-ce pas? Voilà. S'ils ont 1 million de fidèles, écoutez, pourquoi pas. À Rome, ça leur fera tirer la gueule. Hein. Ah oui, je pense, oui. Je pense qu'il ferait la gueule. Parce qu'ils Mais bon, ne c'est. pourront pas infiltrer, si vous voulez, j'imagine, ils veulent Mais non, infiltrer. il y a récemment, aux USA, il y a un archevêque, Monseigneur Vigano, qui a pris position contre Trump, qui a pris position contre le grand reset, qui a dénoncé la fraude électorale aussi de l'élection de Biden. Ce type-là a été obligé de démissionner de sa charge, et à l'heure actuelle, il est quasiment. Enfin, il vit caché, en fait, Ouais. parce qu'il est menacé. Voilà. Donc, ça, c'est typiquement, c'est un mec, toute sa carrière, il a essayé de ménager la chèvre et le chou, jusqu'au moment où il est obligé un peu de franchir le Rubicon, et il finit par prendre la porte. Tout à fait. Et tous les mecs qui sont sincères, ils finiront comme Vigano. ils seront obligés soit de se renier, soit de foutre le camp. Tout à fait, tout à fait. Et plus ils hésitent, et finalement, quelque part, plus les autres gagnent du terrain. C'est vrai, bien sûr. Oh bon, voilà. Prise de parole très libre, hein, bien sûr. Après, bon, c'est un regard extérieur, hein, on n'a pas... Mais c'est vrai que là, bon, c'est quand même une impasse. Bon, ça fait 50 ans que ça dure. Alors évidemment, ils vont dire, oui, mais on a l'éternité pour nous. Ah, d'accord, mais je ne suis pas si convaincu que ça. Et en plus, il y a ensuite, on a un autre problème. Alors là, du coup, d'un point de vue externe, mais qui nous intéresse au premier chef, c'est que l'Église catholique devient une organisation suprémaciste noire. Ça, c'est un problème que nous allons affronter de plus en plus. C'est-à-dire que toutes les paroisses sont en train d'être livrées à des curés nègres qui, outre le fait qu'ils aiment sauter des blanches, sont en train de monter des filières de colonisation, de peuplement sur le territoire français et pas que sur le territoire français. Donc ça, ça nous concerne au premier chef. Donc c'est-à-dire cette église-là, telle qu'elle existe là aujourd'hui, dans 30 ans, ça sera une église de nègres. Il faut bien comprendre ça. Hein. Je veux dire, il y aura quelques blancs, mais ça sera une église de nègres. Intégralement négrifié. Ça, c'est aussi un vrai problème. Et d'ailleurs, la gouvernance globale y voit un avantage. Ça converge avec son propre agenda. Hein, c'est sûr. Et le message de Macron, et j'en terminerai, bah, c'est ça. Il se rend à Lourdes première fois, effectivement. Alors, ça fait chier les laïcars qui n'ont pas compris le film parce qu'ils pensent encore qu'ils sont en train d'affronter, je ne sais pas quoi. Des croisés, ou je sais pas. Et non, en fait, le Vatican, c'est une courroie de transmission de la gouvernance globale. Macron a un deal avec eux, voilà, espèce de, comme ça, de sabre et de goupillon, mais inversé, vous voyez, ou subverti. Et la jeune bergère en tenue locale, folklorique, qui accueille Macron, c'est une métisse. C'est-à-dire que, voilà, ceux qui ne comprennent pas ne comprennent rien à ce qui se passe. Je veux dire, c'est vraiment... On vous produit, si vous voulez, de la, comment dirais-je, de la bergère qui voit la Vierge qui sort du Kenya, mais dans le terroir français. C'est un miracle. Voilà. Non, mais ils utilisent comme ça, si vous voulez, l'imaginaire façonné par la France catholique traditionnelle, notamment au XIXe siècle. Pour la subversion, ceux qui ne voient pas, voilà, tout est en place. C'est vraiment une contrefaçon. C'est une contrefaçon à la fois de la monarchie, puisque la République est, hein, c'est une contrefaçon de la monarchie, et une contrefaçon de l'Église traditionnelle, puisque c'est une Église moderniste, et c'est une contrefaçon de peuple, puisque quand vous regardez, c'est-à-dire les Gaulois de souche censés avoir la foi, etc. En fait, non, c'est une mulâtresse qui ça se trouve, elle n'est même pas croyante, on n'en sait rien. C'est une actrice hein, qui a été payée là, une escorte, j'en sais rien. Ils la mettent là, ils font la photo et tout. Et voilà, enfin, tout est faux. Tout est faux, tout est toc. C'est le village Potemkin. Le village Potemkin macroniste. Absolument horrible. Vision d'enfer. L'enfer est rentré à Lourdes. D'ailleurs, j'ai vu des vapeurs de soufre autour de Macron. J'ai vu. Alors messieurs, bon, il fallait quand même un petit peu en parler, je pense que c'était pas... ça valait le coup. Alors, juste avant qu'on fasse une petite pause, on a reçu pas mal de mais même hein, sur le forum ELB, il y a beaucoup de demandes dans ce sens aussi. Comment faire face au passeport obligatoire, ok. Il y a des gens qui... du fait de leur travail, se voient imposer ce type de choses, et ils réfléchissent, ils ne savent pas comment faire. Alors, je ne vais pas prétendre avoir une solution. En revanche, je crois pouvoir quand même vous donner un conseil qui sera très utile, d'accord ? C'est de vous tourner vers des médecins, on va dire, qui partagent nos inquiétudes, nos constats, qui, de toute façon, ne se retrouvent pas dans le discours officiel face à cette pandémie, présentée comme telle, face au virus Covid-19, etc. Donc, des gens qui questionnent le narratif officiel. Alors, tournez-vous vers des gens comme ça, pour qu'ils puissent répondre à vos interrogations, hein, sur tout ce qui peut être lié au sanitaire, que ce soit la vaccination, le passeport, etc. Donc, si vous avez des questions, moi, je ne vais pas prétendre avoir de solution, mais je vous propose de vous retourner vers des personnes qui, à minima, comprendront vos inquiétudes, vos angoisses, vos doutes. Alors, vous allez me dire, d'accord, où, quand, comment? Alors, justement, je vous invite à vous référer au site internet suivant. Prenez note, chers auditeurs. Manifestliberté.org. Alors, manifeste au pluriel, manifeste au pluriel, donc avec un S à manifeste, tiret, liberté au pluriel aussi, donc avec un S à liberté, manifeste au pluriel, liberté au pluriel, un tiret entre les deux, point org. Et vous allez cliquer sur ce site internet sur médecin engagé. Médecins engagés. Alors, les médecins engagés en question ont signé une pétition demandant leur droit de prescrire face au Covid-19, d'accord? C'est-à-dire de proposer des traitements pour ne pas contracter, évidemment, prophylaxie, etc. Donc, eux ne sont pas du tout dans le tout vaccin, d'accord? Et l'intérêt de cliquer sur cette section, c'est que vous allez pouvoir regarder dans votre département les médecins en question. Il y en a beaucoup. Alors, il y a des médecins généralistes, il n'y a pas que ça, mais renseignez-vous donc dans cette section. Vous avez toute une liste de médecins, tout est classé par code postal. Donc, vous avez le département et même les communes. Voilà. Donc, regardez dans votre département, si il y en a plusieurs, hein, de médecins par département, et pas par téléphone, hein, vous pouvez prendre un rendez-vous par téléphone, mais allez les voir. On discute avec un médecin de visu. Dans son cabinet, dans le secret, donc évidemment, de la consultation. Voilà. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. J'aimerais pouvoir faire plus. On aimerait, à démocratie participative, pouvoir faire plus. Mais ce serait de la forfanterie, hein, que de le prétendre. En revanche, tournez-vous vers des professionnels qui vont comprendre vos doutes, vos questions. Et qui pourront éventuellement vous faire des recommandations sur des bases scientifiques. Et n'hésitez pas d'ailleurs à en consulter plusieurs pour avoir des confirmations. Voilà. Donc je vous ai donné le lien. C'est une bonne façon de démarrer. Voilà. Voilà ce que je dirais. Donc voilà, c'est un conseil appuyé que je donne. Est-ce qu'éventuellement vous voulez dire quelque chose là-dessus? Donc là, c'est les gens de laissons les médecins prescrire. Si vous connaissez ça, Une suggestion. vas-y. Vous pouvez tenter le coup, moi je vais essayer. Quand vous voyez votre médecin généraliste, votre médecin traitant, vous lui demandez est-ce que moi, de par mon passif médical, mon état de santé, je n'ai pas des contradictions pour la vaccination? Contre-indication, Non, pas contre-indication, excusez-moi. Parce qu'effectivement, en cas de contre-indication, effectivement, vous êtes exempté de vaccination, mais vous aurez votre passe quand même. Donc demandez-lui, et puis allez-y au culot. Si vous dites non, je ne sais pas trop, hein, peut-être que vous lui demandez, est-ce que vous pouvez me signer un papier comme quoi vous engagez sur le fait que je n'ai aucune contre-indication par rapport au vaccin? Et là, si vous lui demandez de signer quelque chose et de s'engager, normalement, le type se met à se décomposer. Oui, toi tu dis, Il refuse et vide. ouais, Oui. en gros tu dis, allez voir votre médecin. Est-ce que vous pouvez me signer un papier comme quoi je suis vraiment apte à recevoir une vaccination? Si jamais il y a un problème en cas de vaccination, je peux me retourner contre vous. En gros, c'est ce que tu dis, quoi. Hein, Voilà, signez-moi un papier comme quoi j'ai aucune contre-indication. voilà. Généralement, quand on leur demande de signer et de s'engager, ils se décomposent. Ah oui, non mais il se Donc là, dégonfle. vous lui dites, bah, dans ce cas-là, j'ai une contre-indication. Bah, dans ce cas-là, vous me signez un papier comme quoi j'ai une contre-indication. Dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement vous faire exempter le vaccin. C'est un coup de poker, ça peut se tenter. Voilà, je propose ça. Je ne sais pas si ce sera très concluant. Très honnêtement, il suffit pour eux de dire aller voir ailleurs. C'est ça. Mais bon. Non, mais bon, ça se tente, c'est totalement légal. Je veux dire, y a pas, vous avez le droit de demander. Moi, je dis, ça se tente. Il y a des gens qui ont des contre-indications. Hein. Je veux dire, j'ai connu, enfin, j'avais des collègues quand j'étais jeune, ils avaient des contre-indications. Ils ne pouvaient pas prendre de vaccin. Ils avaient des allergies ou des. Enfin, il y a toutes sortes de raisons, hein, pour pas pouvoir être vacciné. Mais. Compte tenu de la pression actuelle, c'est vrai que. Mais moi, je crois, parce qu'on a reçu aussi des demandes en ce sens. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de pas se faire piquer, mais d'avoir quand même le pas? Bon, d'abord, les médecins ne le feront pas, globalement, parce que vous pouvez tracer une vaccination, et je vous le dis, hein, il y aura des contrôles, notamment peut-être par prise de sang, etc. Et donc, il n'y a aucun médecin qui va vouloir s'aventurer là-dessus parce qu'ils auront une interdiction d'exercer. Voilà. Si jamais vous êtes positif et que vous transmettez qu'il y a une enquête, que sais-je, là, ils iront, il y aura des, il y aura des, ils ont peur, évidemment, d'être lourdement sanctionnés. Et c'est vrai que c'est pas une peur qui est infondée. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Il y aurait des menaces de prison, etc. Et probablement même des peines de prison à la clé, parce que le gouvernement se ferait un plaisir de réprimer très durement. Et on peut tout remonter aujourd'hui. Donc, et deuxièmement, comment dire? C'est déjà admettre que le passeport intérieur est fait pour durer, que c'est plié. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Je veux dire, on peut pas rentrer dans une bataille en partant de ce principe, c'est-à-dire que voilà, il n'y a rien à faire, il faut essayer de vivre en clandestinité. Alors après, quand on fait partie des professions directement visées, où là, c'est le licenciement à la fin du mois, enfin au mois de septembre, comme l'a dit Macron, je comprends qu'il y a là un autre questionnement. Et je ne peux pas me permettre de dire à des personnes qui sont dans cette situation, faites ça, faites ça, faites pas ça. Ça, je veux dire, en dernière analyse, c'est à ces personnes-là vraiment de faire des choix en conscience. D'accord? Bon, je ne peux pas dire à ces gens-là de. J'ai mon avis, mais je ne donnerai pas de conseils. Mais j'ai mon avis. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc je ne peux pas me permettre de dire ça à quelqu'un qui. Voilà. Donc, à mon avis, c'est une connerie de se faire vacciner, une connerie grave, qui peut même être fatale à mon sens. Mais c'est mon avis. C'est mon avis. Et tout comme est mon avis que essayer de botter en touche en disant voilà, je vais essayer de passer entre les gouttes avec un faux truc. Ouais, c'est si vous avez vraiment énormément de chance, vous passerez entre les gouttes pendant la première année, et puis n'oubliez pas qu'ils vont revenir avec d'autres vaccins. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. C'est vous n'êtes pas sorti de l'auberge avec deux vaccins, ni même trois, même quatre, parce que Castex en a annoncé quatre. Enfin, ses services en ont annoncé une quatrième pour les immunodéprimés sévères. Ça, c'est. Pourquoi pas 5? Je pose la question. Ça va pas suffire, vous pensez bien. Voilà, donc. Sinon, pour les gouvernementaux et judéo-déprimés sévères, on a une solution, rap, parce qu'ils Une commencent à solution me. finale, hein, une solution Ouais, finale. c'est pas mal, quoi. Hein. Pour les judéo-déprimés sévères, une solution finale, peut-être. Non, mais Cette bon. solution finale était considérée comme territoriale, hein, d'après Oui, non, mais les c'est gens vrai. C'est tout à fait juste. Mais j'ai l'impression que là, pour le coup, la solution qui était territoriale pour les Juifs devient finale et physique pour les goïms. J'ai l'impression qu'en fait, là, les Juifs, j'en parlais avec le cardinal, je me permets de me faire l'interprète de sa pensée, il est avec nous, vous le savez, mais là, il est en retraite spirituelle aussi, dans la nature. Et il me dit, je crois que les Juifs ne pardonnent pas à Adolf Hitler de ne pas les avoir tués. Et qu'ils veulent nous assassiner pour se venger de la trop grande générosité d'Adolf Hitler. Écoutez, j'ai tendance à penser que c'est ça. J'ai tendance à croire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. On pourrait en sourire, mais je crois qu'on s'en approche, effectivement. Voilà, en tout cas, le conseil que j'ai donné, hein, j'ai donné la source, hein, voilà, donc manifeste-liberté.org, médecin engagé. Il y a les médecins de votre département qui sont recensés. Reportez-y-vous et demandez-leur conseil. Donc prenez rendez-vous, allez discuter avec eux. Vous leur dites, voilà, tout ce qui vous traverse l'esprit, quoi. Hein, voilà, je pense que c'est pas très sûr, j'ai des doutes, je suis pas sûr à propos de ça. Qu'est-ce que vous pensez de la vaccination? Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce qu'on peut éventuellement échapper? Parce que c'est pas tout de ne pas se faire vacciner. Il y a aussi, on peut se dire, tiens, j'ai envie de faire de la prophylaxie. Suivre un protocole pour ne pas contracter le Covid-19. Et là, bon, bah, il faut pour parler à des professionnels, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un bon début. Et là, au moins, c'est scientifique comme approche, hein. Ce sont des médecins qui ont un doctorat, hein. C'est pas des illuminés, quoi. C'est pas des tarologues, je veux dire. Donc voilà. Donc, une source de plus. Et puis, Animap.fr, dont j'avais parlé aussi, qui offre des services de toute nature, mais ça j'avais déjà cité, hein, mais je redis quand même pour ceux qui n'avaient peut-être pas écouté. Là, c'est toutes les entreprises qui refusent de discriminer les clients sur la base d'un pass sanitaire, un passeport intérieur, quoi. Hein. ils acceptent les clients. Et vous avez toutes sortes de services. Alors, espérons que ça prenne de l'ampleur. Il y a sûrement d'autres initiatives, mais je ne les connais pas. Si vous en connaissez, suggérez-en, hein. N'hésitez pas à venir en disant par email, hein, voilà, il est possible de trouver des professionnels. Voilà. Mais il faut créer une contre-société. Une contre-société libre qui résiste dans la longue durée à toutes ces. À cette folie totalitaire. Hein. Là, on est dans le totalitarisme. Je sais que ce terme a été utilisé très généreusement, trop généreusement, jusqu'à une date pas si lointaine. Mais là, nous y sommes. Je veux dire, là, on est quand même. Là, on est vraiment à la veille de basculer dans le véritable totalitarisme tel qu'on l'entendait du temps du bolchevisme. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Qui veut qu'elle rajoute quelque chose ? Tyrannie, exactement, Fulbert. Tyrannie, tout à fait. Tyrannie. Je préfère tyrannie sanitaire, d'ailleurs, à dictature sanitaire. Je préfère. La dictature peut avoir sa légitimité. Hein. Se référer donc à l'histoire de Rome. Hein. C'est un mandat, au départ, la dictature. La tyrannie, c'est autre chose. Je pense qu'effectivement, nous sommes dans la tyrannie la plus pure. Voilà. Messieurs, une pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie intégralement consacrée aux sanitaires. On a beaucoup de choses à dire, la situation est grave, même si on peut l'aborder un peu sur un ton léger pour pas non plus être dans une dépression trop aggravée, mais il faut quand même qu'on fasse le tour de la situation. Alors, pause musicale, on se retrouve tout de suite après. Une flamme sacrée monte du sol natal. Voilà. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 6, épisode 28. Deuxième partie qui sera particulièrement importante parce que je voulais, avec bien sûr les membres, véhiculer un message assez d'une tonalité assez grave compte tenu de ce qui est en train de se passer. Et il est temps pour nous de faire le point, non seulement sur la situation, les implications au plan sanitaire, et ensuite, éventuellement, l'attitude à adopter face à ça. Ce qui a déclenché un petit peu cette précipitation, c'est l'annonce par Emmanuel Macron, comme je l'ai dit en première partie, de l'instauration, on peut le dire, d'un nouvel ordre social, où il y a deux catégories de citoyens, ou plus exactement, où il y a des citoyens d'une part, et des gens progressivement dénués de droits, et de plus en plus mis au banc de la société de l'autre. C'est quelque chose que l'on n'aurait pas cru possible il y a encore 2 ans, avant que tout cela démarre, même si les plus avertis savaient que des choses se préparaient, et qu'ils ne sont pas nécessairement très étonné de voir ce qui se met en place. Mais en tout cas, c'est là que nous nous trouvons au jour d'aujourd'hui. Donc, l'annonce principale d'Emmanuel Macron, c'est un projet de loi qui est encore en discussion entre l'Assemblée, le Sénat, etc., mais qui sera voté avec toute une série de restrictions prévues essentiellement sur les déplacements des personnes, ainsi que leur droit, ou pas, à se rencontrer, dans quel volume, etc., et à instaurer ce système de régulation des mouvements de population dans la durée. Étant entendu que ceux qui ne sont pas vaccinés verront leur liberté de mouvement considérablement entravée. Et comme je le disais aussi dans la première partie de l'émission, il y a déjà, on le voit, on le discerne, hein, un risque grandissant sur la capacité de simplement pouvoir vivre, c'est-à-dire d'aller se fournir dans un magasin pour pouvoir accéder à l'alimentation, par exemple. Hein. Pour ne citer que cela, je ne parle même pas d'accéder à des soins, mais pour des maladies qui n'ont rien à voir avec le Covid-19, je veux dire accéder à un hôpital. Hein. De fait, une fois que ce passeport sanitaire serait mis en place, quelqu'un qui ne serait pas vacciné, eh bien, en tout cas, la question se pose, c'est peut-il accéder à un hôpital si jamais il a le cancer, si jamais il fait une crise cardiaque, si jamais il a un accident de la circulation, est-ce que les pompiers vont le prendre en charge, etc. Bon, vous comprenez, donc les conséquences sont absolument ahurissantes. Je pourrais aussi extrapoler, hein, garde des enfants. Vous avez divorcé de votre femme ou de votre mari, vous avez la garde des enfants, est-ce que si vous n'êtes pas vacciné, on va vous laisser avoir la garde de vos enfants, etc. C'est ahurissant en termes de retombées. Donc je voulais que nous nous arrêtions sur ce moment-là qui est un moment très important, probablement le moment le plus important depuis ces 18 derniers mois. Confinement compris, etc., même si déjà en soi, c'était déjà un tournant. Avant que je lance la discussion, est-ce que sur ce qu'a annoncé Macron, vous voulez dire quelque chose ? Ou ce que j'ai dit là, tout de suite ? Ce que tu as dit était complet ? La vente des organes ! Mais vous êtes malade, non ? J'ai une tête à vendre des organes, moi ? Ils ont quand même des têtes à empoisonner depuis. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Alexis. Oui, tu as dit donc le pass sanitaire, le passeport sanitaire s'impose. Donc, pour aller dans un supermarché ou centre commercial dans un premier temps, ce sera nécessaire. Également dans accès à l'hôpital. Et puis, donc, un des points importants de la déclaration de Macron, c'est donc la vaccination obligatoire des soignants. Il y a ça aussi. Oui. Donc, c'est une volonté de saucissonner, puisqu'en fait, il a dit qu'on allait vers l'obligation, la vaccination obligatoire, et que l'idée, c'était que tout le monde le fasse sous la pression ou pas, puisque certains le font de bon cœur. Donc, en fait, je pense Macron veut saucissonner les publics, hein, disons que. Certains pourraient se dire par égoïsme, ah oui, moi je suis pas concerné, je suis pas un soignant, alors bon, et puis le resto, j'y vais pas trop, alors bon, de toute façon, peu importe. Non, c'est très grave, c'est quelque chose qui nous impacte. Non, impacter, c'est pas très français, ça vient de. Enfin, peu importe. C'est quelque chose qui nous touche tous, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est une. Il surfe en fait sur l'égoïsme latent des différentes catégories de la population qui existent, hein, faut pas se tromper, en disant bon, ceux qui veulent pas se vacciner, après tout, si ça les concerne pas tout de suite, immédiatement, ils vont rester un petit peu dans l'attentisme, alors que les soignants, je vais leur mettre directement la pression et voilà. Effectivement, pareil pour les pompiers, hein, on en avait parlé de toute façon la semaine précédente. Il y a une réaction, alors une réaction officielle. Mais pas d'appel non plus à réagir. Donc, une réaction officielle de la principale organisation syndicale de pompiers professionnels protestant contre l'obligation de vaccination, d'accord, mais où est le mouvement de grève? Où est le mouvement de contestation généralisée de la part des pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires? Nulle part. D'accord? Donc, vous sentez que tout simplement pourquoi? Parce que ils sont tenus par l'État. Ce sont des services de l'État, hein. Les pompiers sont des services de l'État. Donc, évidemment, là, ils sont entre le marteau et l'enclume. Et vous avez un nombre grandissant de gradés qui savent pas quoi faire en fait, hein, parce que c'est pas dans leur culture, hein, c'est des militaires quand même les pompiers, hein, donc c'est pas dans leur culture se révolter contre l'État, forcément, forcément. Donc il y a des cas de conscience qui se posent, je veux dire. À mon avis, chez les volontaires, c'est autre chose, hein, évidemment, une force beaucoup plus civile par définition. Là, on pourrait peut-être voir quelque chose se former. Je précise aussi, avant d'enchaîner sur le fond de la discussion, qu'il y a eu des manifestations ce week-end, hein, à Paris notamment, mais dans toute la France, 150 000 grosso modo personnes sur le pavé, mobilisation au pied levé, dans un environnement médiatique ultra hostile, alors qu'il n'y a aucun parti politique qui est derrière, rien, très gilet jaune finalement dans l'esprit, je dis dans l'esprit, c'est-à-dire voilà, il y a pas d'organisation qui se trouve derrière, c'est pas des partis, c'est pas des associations, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je dis que c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. En plein été, avec un cagnard comme ça, alors que les gens n'ont qu'une envie, c'est parce qu'ils ont relâché un peu la pression au niveau des contrôles, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller à la mer, ils sont en vacances, etc. À Paris, etc. C'est vraiment pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Moi, j'étais assez positivement surpris, quoi, en fait. Je sais pas ce que vous en dites de ces mobilisations, des images que vous avez vues. Moi, je trouve ça très, très, très, très encourageant. Comme tu dis, c'est au pied levé. Il a fallu ré répondre dans les jours qui suivent l'allocution. Ouais, je crois que c'est un bon signe. C'est un bon signe. Je regardais les papiers européens, etc. Ils disaient le gouvernement est inquiet. Hein. Ils essayent de ne pas trop laisser transparaître, mais ils sont inquiets par la sociologie des manifestants. Donc, il dit, il y a de tout, des familles. Ce qui les inquiétait beaucoup aussi, c'est qu'ils ont noté la présence de gendarmes en civil, de pompiers, de policiers, etc. Donc, en fait, vraiment, toute l'étendue du spectre social français, quoi, en fait. Donc, ils se sont dit, c'est pas bon, parce que c'est pas juste des hystéros. Vous voyez, c'est pas juste soit des fouteurs de merde professionnels qui sautent sur n'importe quel cortège pour descendre dans la rue et gueuler, soit éventuellement des illuminés un peu foufous, etc. Ils disent, voilà, non, là, ça correspond à un vrai mouvement dans l'opinion. Ça les inquiète. Ça les inquiète. Donc, quand vous ajoutez la diversité et la représentativité du mouvement, sans organisation dans la durée, sans parti, rien, et que les gens vont dans la rue en plein été, alors que tout le monde est censé être à la mer et malin, c'est pas mal. Moi, je dis que c'est pas mal du tout. Attendez que les gens commencent à comprendre ce qui se passe. On peut quand même espérer une réaction qui s'organise un petit peu mieux. C'est, en tout cas, c'est bien. Je dis que c'est Alors, bien. moi, j'ai vu dans les journaux que certains députés de La République En Marche avaient reçu des menaces de mort. Ah tiens, pourquoi donc? Je ne comprends pas. Je ne sais pas, peut-être un réflexe de défense, voilà, d'autodéfense de la part du peuple français. Donc, ces gens-là sont très, très chagrins. Hein. Les procureurs, machin, bidule, ont été évidemment mobilisés pour traquer les récalcitrants. Enfin, bon, voilà. Mais visiblement, le ton monte. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas contents du tout, du tout. C'est très, très bien. Ah, j'ai vu qu'à, je crois que c'est à Châteaulin en Bretagne, il y a eu une descente dans la permanence de Ferrand, cette infâme crapule devant l'Éternel, qui d'ailleurs a payé un bel immeuble à sa maîtresse d'ailleurs au terme d'une escroquerie. pas piquer des hannetons. Effectivement, le public qui a surgi dans sa permanence lui a signifié qu'il ne souhaitait pas le voir vivre particulièrement longtemps. Mais j'en sais pas davantage, c'était dans la presse, dans Ouest France. Journal de collabo, s'il en est aussi, d'ailleurs. Soit dit au passage. Pour dire voilà, que le ton monte, hein, quand même, hein, parce que c'est pas non plus tous les jours qu'on nous renvoie des menaces de mort. Donc, bon. Oui, disons pas dans cette forme-là, mais je vois pas de quoi ils se plaignent, c'est la semaine du 14 juillet, le 14 juillet c'est la prise de la Bastille, je veux dire, là c'est quoi la prise de la Bastille? Officiellement, hein, je dis, il faudrait y revenir, mais officiellement c'est la plèbe qui s'empare du château, hein, en décapitant les gens qu'ils contrôlent. Donc, je sais pas, moi, au bout d'un moment, à force de... Ils envoient des messages dans la population en disant « Oui, mais ça, c'est un rite, et tout, machin. » Il est possible que les gens commencent à prendre les choses au pied de la lettre. Je sais pas. Oui, mais quand on voit le ton avec lequel certains de leurs laquais parlent au peuple français, moi, je me souviens de ce gros leurre, là, d'énorme pachyderme, qui disait qu'il fallait envoyer les gens se faire vacciner encadrés par deux flics. Ah, le Chypre. Ouais, le Chypre, ouais. Quand on parle comme ça aux gens, venez pas chialer après si on vous répond sous le même ton. Hein. C'est pas faux, hein, c'est pas faux. Je crois qu'il y a une certaine cohérence, effectivement. Vous cherchez un petit peu les emmerdes aussi, donc vous allez finir par les trouver. Et vous devriez être content que c'est que des menaces, parce que, qui sait, ça va peut-être passer à l'action, à un moment-ci. Hein. Il s'agit d'une frange défaitiste et capricieuse de la population, a dit le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Capricieuse et quoi? Et défaitiste. Oh, il ferait un très beau Mandel, celui-là. Il ferait un très beau Mandel. Attal, hein, qui a pour seule qualité, enfin, deux, hein, il n'en a que deux, être juif et homosexuel. Hein, c'est ce qui lui vaut d'ailleurs le porte-parole-là. Et on précisera hein, que, surentubé par un sous-fifre de Macron, ça lui a voulu à un moment donné un numéro 2 au ministère de l'Éducation nationale d'être très poussif. Et on l'a bombardé porte-parole pour aller répandre ses miasmes à droite, à gauche, en plus du HIV. Ça fait ton sur ton. Bon, voilà, c'est à l'image. Non, je veux dire, un porte-parole comme ça, il est tout à fait à l'image de d'abord de cette République, qui est quand même juive, juste entre guillemets, il faut le souligner, et deuxièmement, à l'image du macronisme, hein, qui est un navire en perdition. À ce stade, je veux dire, le Titanic a de meilleures chances de s'en sortir. C'est quand même ça. Mais bon, alors, passons dans le dur. Parce que je voulais faire un travail de pédagogie. Alors, je vais citer La Voix du Nord. Vous connaissez ce journal communiste, au sens strict, hein, c'est un journal communiste, hein, La Voix du Nord, hein, dans le nord de la France. Hein. Antifa, etc., mais vraiment communiste, historiquement. Les gens peut-être ne le réalisent pas, parce que d'abord on ne leur explique pas, c'est pourquoi sommes-nous rentrés au niveau global, pourquoi les élites globales ont dit qu'il fallait rentrer dans cette phase de vaccination folle. Quel était l'objectif allégué? C'était l'immunité collective. D'accord ? C'était ça qui était visé. L'immunité collective. Collectivement, il y aura une grande majorité de gens qui seront immunes au virus, réduisant à rien la transmission du dit virus. Alors, je cite La Voix du Nord pour un peu recontextualiser. Hein. Pour espérer un retour à la normale, le papier date de cette semaine, je précise. Hein. Pour espérer un retour à la normale, il faut atteindre ce que l'on appelle l'immunité collective, soit la proportion de la population qui doit être vacciné pour qu'il n'y ait plus de risque d'épidémie. Cette proportion dépend de la transmissibilité du virus. Actuellement, avec un virus très contagieux, on a besoin de vacciner une proportion importante de la population pour revenir à la vie d'avant, en un seul mot. On va revenir sur tout ça, hein, mais je vous donne la version officielle. Alors, c'est présenté sous forme de questions-réponses, en fait. Donc c'est assez didactique. D'où sort ce chiffre? Et comment est-il calculé? Alors ça, c'est par rapport au nombre de personnes qui doivent être vaccinées pour disposer enfin de l'immunité de groupe tant recherchée par les décideurs. Alors en fait, ils ont dit qu'au départ c'était 60%, maintenant c'est 90%. Selon une étude de l'Institut Pasteur, il faudrait que 90% des adultes soient vaccinés dans l'Hexagone d'ici septembre pour mettre fin aux mesures de contrôle de l'épidémie. Comment est-on parvenu à ce chiffre, alors qu'il y a quelques mois de cela, des seuils de 60 ou 70% étaient évoqués pour freiner le virus? ces seuils ont été révisés à la hausse face à l'émergence de nouveaux variants plus contagieux. On va y revenir d'ailleurs. Le variant Delta est 60% plus contagieux que le variant Alpha, lui-même plus contagieux que le variant qui circulait en mars 2020 en Europe. Donc le premier hein, de Wuhan, quoi, hein, nous explique Pascal Crépet, enseignant-chercheur en épidémiologie et en biostatistique de l'École des hautes études de santé publique à Rennes. Et le scientifique de détailler le calcul, bon, je passe les détails, c'est pas très intéressant. Voilà. L'objectif, pour obtenir l'immunité collective, c'est 90% de personnes vaccinées. Je crois qu'aujourd'hui, d'ici septembre, aujourd'hui, on est à 50%, je crois, totalement vaccinés. Combien c'est? Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus? Pas une dose, mais deux doses. Est-ce qu'on a à peu près les chiffres, là? J'ai vu, moi, 36,7%, mais est-ce que... 36,7 millions de gens, pardon. Mais est-ce que c'est double vacciné? Je ne sais pas. Qu'une dose. Enfin, au moins une dose, mais... Bon, il y a un petit peu de délai. Alors, comment dire? Ça, c'est, je souligne ce point très important, puisque les gens peuvent se retrouver dans un état de confusion entre le fait d'être vacciné pour ne pas avoir de forme grave et les buts allégués de la vaccination collective, à grande échelle, pour atteindre cette immunité de groupe. Parce que les gens peuvent se tromper. Évidemment, le but allégué, c'est-à-dire le but... atteindre l'immunité collective aboutit à ne plus avoir de forme grave, en général. Oui, c'est sûr. Mais les gens ont tendance à inverser conséquences et causes. Et ils se disent, ah bah oui, mais comme actuellement, il y a pas mal d'infections, mais pas beaucoup de formes graves, eh bien, le but est atteint. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et on s'y arrêtera. Non, non, c'est pas parce que actuellement vous n'avez pas beaucoup de formes graves que le but est atteint. Le but, c'est l'immunité de groupe. C'est ce qui était dit par les autorités. On vaccine en masse pour obtenir l'immunité de groupe, et de l'immunité de groupe découlera, l'absence de formes graves. Et les gens se disent, ah bah, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de formes graves, l'objectif est atteint, la vaccination est en train de réussir. Non. Et comment on le sait? Bah, on le sait par rapport au Royaume-Uni. Et là, on va y venir. Mais je voulais souligner ce point très important, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la vaccination, temporairement, dans une phase transitoire, a un succès face aux formes graves, comme c'est le cas aujourd'hui, que vous avez réglé le problème. Le but n'était pas de juguler les formes graves, au sens strict, le but était l'immunité collective. Or, aujourd'hui, on ne peut pas obtenir l'immunité collective. Ça, on le sait déjà. C'est ce que les médias ne disent pas, c'est que les autorités sanitaires ne disent pas. Pourquoi? À cause des variants. Les gens ne savent pas ça, mais les variants créent de fait une famille de virus. Donc on est déjà en train de courir après des virus, si vous voulez, qui sont déjà en train d'être remplacés très rapidement par des variants, ce qui va appeler une nouvelle vague de vaccination. D'accord? Donc l'immunité de groupe, on oublie, c'est terminé. L'objectif est raté. Alors, je vous le dirai, c'est mon avis, mais ils savaient que ça ne marcherait pas. Mais ça a été vendu comme ça. Les gens ne comprennent pas ça. C'est raté. L'objectif de la vaccination de masse n'est pas rempli. Et ne sera pas rempli à cause des variants. C'est trop tard. D'accord? Le virus échappe à la vaccination déjà. Vous comprenez? C'est déjà trop tard. Donc... objectif raté. Donc les gens qui se focalisent, oui mais il n'y a pas de forme grave, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. C'est que les variants qui vont arriver vont générer des formes graves. Ok? D'accord? Et on va rentrer dans la mécanique de la vaccination qui fait que ces nouveaux variants seront beaucoup plus dangereux, beaucoup plus infectieux que celui d'origine, qui au départ n'était qu'une grosse grippe, comme on l'a toujours dit. C'était qu'une grosse grippe, et il n'aurait fallu rien faire en fait au départ. Bon, voilà. Mais que les gens comprennent bien. Ils sont en train d'appeler à vacciner en masse, ils vous disent il faut le faire très vite pour l'immunité de groupe, ça n'aura pas lieu, il y a des variants, c'est fini. Voilà, et ça je voulais y insister. Donc on vous ment activement, j'écoutais encore Véran qui disait oui, les gens qui ont été affectés récemment de forme grave n'étaient pas vaccinés, etc. Obsolète, discours complètement obsolète, ça n'a plus rien à voir. allons vers la Grande-Bretagne. Si vous le voulez, vous pouvez m'arrêter quand vous le souhaitez, bien sûr, pour préciser une chose ou une autre. Donc, en tout cas, objectif stratégique, échoué. Échoué. Alors, ça devient caricatural en Grande-Bretagne. Il faut suivre de près ce qui se passe en Grande-Bretagne, qui a été cité avec Israël comme étant le nec plus ultra de ce qui devait se faire, notamment en termes d'ampleur de la vaccination. Ils sont très efficaces, ils vaccinent énormément, c'est extraordinaire. Je crois qu'ils sont à 70% de nombre de vaccinés, je crois. Chez les adultes, c'est encore plus. Enfin, vraiment, c'est... voilà, c'est... On pique. Dans les temps, officiellement, c'est censé être génial. Alors, annonce aujourd'hui même le ministre de la Santé britannique, Sajid Javid. Donc, il est d'origine pakistanaise. Hein. C'est le ministre de la Santé, quand même. A annoncé avoir été testé positif au Covid-19 à 2 jours de la levée de la quasi-totalité des restrictions d'Angleterre. Alors, en fait, il disait, voilà, on a suivi l'agenda, on a vacciné en masse, la carotte, c'est la levée des restrictions, le ministre de la Santé annonce qu'il est positif. Je vous annonce aussi qu'il est doublement vacciné. Donc là, vous allez commencer à voir dans notre discussion et dans cet exposé que commence à y avoir des informations qui contredisent le narratif officiel. Alors, on nous avait dit, oui, le vaccin n'empêche pas totalement la contagion. Mais il la restreint drastiquement. On nous avait dit, voilà, c'est drastique. Vous vous rappelez de ça? J'ai vu même des chiffres... une étude américaine, un non-vacciné est 12 fois plus infectieux qu'un vacciné. Ça, c'est pas vieux, ça, à 10 jours. Ça. Bon, vous allez voir que les chiffres sont pas tout à fait pareils. Alors, le ministre de la Santé est déjà testé positif, il est double vacciné, depuis le mois de mai. Bon, donc, voilà, non. Le virus circule chez les vaccinés, et très vite. Et l'Angleterre est en train de nous le montrer. Alors, le bilan sur la situation anglaise au jour d'aujourd'hui, ça c'était samedi, le Royaume-Uni a enregistré, je cite le Télégraphe là, le Royaume-Uni a enregistré 54 674 nouveaux cas de Covid-19 et 41 décès supplémentaires. Ce qui est trompeur, c'est le nombre de décès, mais j'en ai parlé un peu. Donc, le nombre de décès a légèrement diminué. Ben là, les cas ont augmenté de plus de 40% au cours de la semaine dernière. Alors, peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus. Donc, voilà, en Angleterre, vaccination à bloc. 55 000 pratiquement infections quotidiennes. Ok. On s'approche du record de janvier qui était à 68 000. D'après les prévisions des médecins en Grande-Bretagne, dans quelques semaines, on est à 100 000 par jour. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu juste sur cette drôle de situation. Et alors, ils disent aussi, je vous précise, ça c'est le Financial Times qui le disait, dans peu de temps, la grande majorité des cas d'infectés se trouveront chez des gens vaccinés, et pas chez des gens non vaccinés. Ok ? Donc, est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette situation où les vaccinés en masse au Royaume-Uni sont en train de se faire réinfecter ou infecter sous nos yeux à très grande échelle? C'était pas censé arriver, on est d'accord. Hein. Pas à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut en parler quand même un petit peu? Oui, bah, comme tu l'as dit, le Royaume-Uni et Israël ont été considérés comme des modèles. On vaccine vite et il n'y aura pas de problème. Et on va réouvrir et tout ira bien. Donc le Royaume-Uni songe à de nouveau réintroduire des restrictions parce qu'il y a effectivement des contaminations. Et Israël songerait aussi à refermer en partie certaines activités. Le nouveau Premier ministre Naftali Bennett a dit aussi que le vaccin ne protégeait pas, donc eux ils ont utilisé Pfizer surtout, ne protégeait pas contre le variant indien. En tout cas, c'était beaucoup moins efficace que prévu et qu'ils réfléchissaient. Bon. Mais c'est vrai que les gens qui nous ont vendu la vaccination ont menti sur beaucoup de choses. Par exemple, ils nous ont dit « Oui, mais en Israël, tout va bien ». Sauf que là, un pays voisin qui, lui, n'avait pas vacciné, enfin notamment la Jordanie, le Liban aussi, je crois, ça se passait également bien, et pourtant, eux n'avaient pas fait ce choix de campagne vaccinale massive. Donc, le Royaume-Uni serait infect. Alors, après, il faudrait voir, est-ce que les gens tombent vraiment gravement malades, qui tombent malades. Bon, mais ce que j'ai vu également, c'est que désormais, enfin ces dernières semaines, en Angleterre, revenaient les morts de la grippe, hein, qui avaient curieusement disparu. Là, j'ai un docteur anglais là qui a rapporté ça. Il dit entre décembre 2020 et pardon, entre décembre 2019 et juillet 2020, on a comptabilisé 394 morts de la grippe dans le Royaume-Uni, sur un pays qui est grand comme la France quasiment, enfin en tout cas pour la population. 394 morts, c'est pas grand-chose, donc ils avaient tout classé en coronavirus. Et là, maintenant, réapparaissent petit à petit, ce qui ne veulent pas dire que les gens meurent du Ouais. Covid. Donc là, c'est ça. Donc, on a affaire à des Combien manipulateurs. Bon. du coup de morts de la grippe là en ce moment là qui reconnaissent? Là, par contre, j'ai pas de. Là, j'ai pas de Ah ouais. chiffres. Il dit que ça remonte, ça Vérifier. repart à la hausse quoi, le nombre de morts de la grippe quoi. Ouais. Exactement, oui. Ouais, Donc donc après, en on gros pourra. pour nos éditeurs, hein, en gros voilà, c'est vrai qu'ils nous ont dit que ouais, pendant 1 an et demi. Oh, bah, il n'y avait plus de morts de la grippe, plus de morts de pneumonie, enfin ils avaient complètement disparu des radars. Et là, non, mais la vaccination ça marche, oh, il n'y a plus de problème, tout est sous contrôle. Et là tout d'un coup, ah oui, ah bah tiens, les morts de la grippe, en fait on transvase en fait les données, hein, vous avez compris, on transvase les données. Quand c'était intéressant de prendre les morts de la grippe, on les foutait dans les données Covid. Maintenant que c'est plus intéressant de les mettre dans les données Covid, on les dit, bah, non, allez, on les remet dans les données de la grippe. Bon, on se paye la tête des gens, hein, faut bien comprendre ça, quoi. Oui, cela dit aussi un point, c'est que donc le professeur Montagnier intervenu plusieurs fois sur le sujet, comme on le sait. Bon, c'est lui qui est le premier dans la sphère francophone qui avait évoqué l'histoire de peut-être un virus artificiel. Alors, on peut tout à fait avoir un virus qui mute et qui soit en partie artificiel. Le professeur Montagnier a récemment parlé, il a utilisé le mot chimère pour dire que c'était un. Il confirmait son idée que le Covid-19 était issu d'un laboratoire, de Wuhan probablement, mais. Et que ça n'empêchait pas, il y a une partie qui est naturelle, donc il y a une partie qui mute. Donc l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut être artificiel et en partie est Il muté. est, enfin, il est hybride. Enfin, ça que tu veux dire, il est hybride, c'est-à-dire qu'il y a, Oui, il oui. est, ouais, voilà, d'accord. Et la partie naturelle dans ce virus hybride fabriqué en laboratoire peut continuer à évoluer dans la nature, en fait. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Et puis également, il avait dit que donc les vaccinations étaient à l'origine des variants. Oui, C'est mais que ça, le c'est un fait, virus hein. cherche. Vas-y, je t'en prie, Voilà, mais... donc en fait, nous avions raison de dire qu'il fallait se méfier de la vaccination. Alors que les vaccins aient été préparés il y a longtemps, comme le pensent certains, ou qu'ils aient été préparés comme c'est le cas officiellement, c'est-à-dire en quelques mois, selon un génie, etc., de recherche, ou que sais-je encore. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, on voit que ce n'est pas efficace. Et on voit qu'il y a des gens qui. Bon, il y avait le cas de Roselyne Bachelot, par exemple, qui avait, elle, fait un Covid juste après le vaccin. Donc, en réalité, quand on répand le mal, il semble logique de ne pas l'éradiquer en réalité. Donc, nous avions raison, enfin, nous avions raison, on va pas non plus trop se lancer de fleurs, mais enfin, bon. Moi, j'ai pris l'exemple de la variole. La variole est une maladie contre laquelle on a vacciné depuis le milieu du 19e siècle, 1860 environ. Ça a été même rendu obligatoire dans certains pays, mais ça n'avait pas empêché des pics épidémiques bien après que tout le monde soit vacciné dans les pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Et un siècle plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, on était toujours comment dire, à vacciner contre la variole. Vous me direz, à l'époque, il n'y avait pas de réfrigération, il y avait ce qu'on appelait vaccin, c'était également en intramusculaire, mais c'était un autre principe. Non, mais il n'empêche que quand on présente les vaccins comme ayant éradiqué cette maladie d'un coup de baguette magique, il a fallu quand même plus d'un siècle, et encore. Certains pays, voilà, étaient revenus en arrière, certains médecins qui disaient non, non, mais ça marche pas, votre truc, on est obligé d'arrêter. J'ai vacciné 4 fois et on a des épidémies, c'est pas normal. Donc, et d'ailleurs, bon, je termine là-dessus, le docteur qui s'appelle Bourvald, donc était jeune médecin lors de l'après-guerre. Et donc, on avait vacciné massivement, à l'instigation notamment des Danois, on avait vacciné en Allemagne. Et il avait fait des recherches dans les archives médicales, et il a vu que toutes les personnes qui était morte de la variole, avait été vaccinée contre la variole. Et à l'inverse, il avait des gens autour de lui qui avaient survécu à cet épisode épidémique, et qui avaient pour point commun, notamment parmi le personnel médical, de ne pas avoir été vaccinés. Donc le fait de se vacciner n'est pas se protéger. Dans certains cas, peut-être dans certaines maladies, ça fonctionne bien, je ne sais pas, mais en tout cas, dans un certain nombre de maladies, c'est évident, c'est que ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et ça peut même répandre le mal, ou l'obliger à muter, et donc l'obliger à devenir aussi plus contagieux, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est pas la baguette magique. Certains. Ah oui, non, mais ça, il faut absolument débunker cette histoire. Comment dire l'exercice de vaccination de masse, je l'ai dit, visait à atteindre, et c'est encore répercuté par les grands médias, l'immunité collective. Ce que ne disent pas les médias en France aujourd'hui, c'est que cet objectif ne pourra pas être atteint. Donc c'est un échec. La vaccination est un échec, en gros. Comme on le sait, à cause des variants. Donc c'est déjà réglé. Quand on a lancé la machine vaccinatoire avec Bill Gates, etc., mais ces gens-là avaient un autre objectif, et on va en parler. Mais officiellement, quand ils ont lancé la machine vaccinatoire, ils ont dit, voilà, on va piquer tout le monde, on va créer une immunité de groupe, et on ne parlera plus jamais de ce virus. C'est ça qu'on a dit. Et le problème que nous avons, c'est que vous avez eu des variants qui ont rendu la stratégie totalement caduque. Ce qu'on a dit, ce que personne n'a dit, en tout cas les médias n'ont dit ça à personne. Et maintenant, on va voir les vrais effets dans cet environnement de la vaccination, c'est-à-dire face aux variants. Vous avez des variants dans tous les sens, un vaccin unique, ça ne peut pas fonctionner. En Grande-Bretagne aujourd'hui, donc statistique officielle, 47% cette semaine, 47% des cas d'infection sont retrouvés chez des gens vaccinés. Alors, il faut faire abstraction de l'histoire des formes graves, etc. Ça, c'est pour bourrer le mot aux gens, ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que ça démontre que le vaccin n'a pas cantonné le virus. Il n'a pas limité le virus aux non-vaccinés, c'est pas vrai. Il tourne de plus en plus vite, de plus en plus massivement chez les vaccinés. Et inversement, de moins en moins chez les non-vaccinés. Parce que là, il y a une logique aussi, et les gens doivent comprendre ça, dans le fonctionnement du virus, qui est un organisme vivant et qui s'adapte. Le virus fonctionne en termes de coût-bénéfice. Donc, qu'est-ce que j'investis en termes d'effort, d'énergie? Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Et pour quelle part de marché? D'accord? Or, là, en quelque sorte, avec la vaccination, vous avez homogénéisé le marché. Le virus rencontre de plus en plus, sous l'effet de la vaccination, toujours la même réponse immunitaire. Donc toujours le même client. Du coup, les non-vaccinés deviennent progressivement une minorité qui se rapetisse toujours un petit peu plus, ce qui fait que le virus n'est pas incité prioritairement à contaminer ces non-vaccinés, parce qu'ils ne représentent qu'une infime partie du marché, progressivement. Et ce qui intéresse le virus, c'est de se répliquer le plus largement possible. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, plus ça va, plus on vaccine, plus le virus a un intérêt à s'intéresser aux vaccinés, et pas aux non-vaccinés. Deuxièmement, l'homogénéité de la clientèle. Il a toujours la même réponse, c'est-à-dire la réponse sur les protéines S-spike. Toujours le même mécanisme. Donc, une clientèle énorme, une réponse toujours identique, le virus est incité à muter sur ce segment particulier. Et pour lui, c'est comme gagner au loto. C'est-à-dire que s'il mute, parvient à circonscrire ce verrouillage autour de la protéine spike, c'est le jackpot. Il rafle des centaines de millions d'autres potentiels, voire même de milliards. À terme, si la vaccination continue. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se produire. Et du coup, là, on rentre dans cette fameuse mécanique de vaccination produisant des variants. Le virus est incité à produire des variants, car le marché lui dit que c'est là que ça se joue. Et nous qui ne sommes pas des vaccinés, on est de moins en moins intéressants, parce que pour lui, c'est beaucoup plus dur de venir à bout de nos défenses naturelles, vous voyez, de notre système immunitaire inné, alors que les autres, avec le système immunitaire adaptif, qui a été reprogrammé par la vaccination, bah, il peut le subvertir avec quelques mutations. Avec quelques mutations, en comprenant le mécanisme sur les protéines spike, il peut le détourner et passer à travers. Vous comprenez ? Et quand vous comprenez, et c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, quand vous comprenez cette histoire de coût-bénéfice pour le virus et cette histoire de part de marché, vous réalisez que la vaccination est en train de... Enfin, c'est une catastrophe virale. C'est une catastrophe virale, c'est-à-dire que c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible, les mecs ils sont nuls à ce point. Ou alors c'était l'effet qui était recherché. Là, la question, elle est posée. Là, vous prenez des gens comme Geert van der Bos, que j'ai cité dans trois émissions maintenant. À la limite, la seule question qui se pose, c'est pas est-ce que ça va se produire comme ça. Il dit, mais en fait... Alors lui, il dit non, c'est une erreur. Il reste sur cette position, c'est une erreur. Mais le seul débat, c'est est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est accidentel, cette stratégie qui va aboutir à une catastrophe virale. C'était voulu au départ ou quoi? Alors les complotistes disent oui, bien sûr, c'était voulu, absolument, c'était recherché. Voilà. Mais je voulais présenter cette... Parce que sinon, on peut pas comprendre la situation en Angleterre. Vous voyez, les gens sont là... le nombre de contaminés augmente, ils sont tous vaccinés, massivement vaccinés. Et alors, l'argument du normie, c'est de dire d'accord, ok, il y a 50 000, 60 000, mais c'est pas grave, il n'y a pas de forme grave. Ça, c'est l'argument qu'on va vous rétorquer. C'est là que les gens n'ont pas compris que le but n'était pas de limiter les formes graves, ça, c'était la conséquence, le bénéfice de l'immunité de groupe. Le but, c'était l'immunité de groupe. Si vous n'avez pas l'immunité de groupe et vous ne pouvez pas l'avoir avec le type de vaccin anti-Covid dont on parle aujourd'hui, vous n'en avez rien à foutre que vous n'ayez pas de forme grave en ce moment, parce que les variants vont s'assurer que vous en aurez dans le futur. Et quand on voit les variants, parce que les variants mutent, ils deviennent de plus en plus dangereux. C'est ça qui est grave. Donc, se référer à la maladie de Marek, que j'avais citée, c'est que maintenant, on rentre dans une sélection inversée où le virus est incité à muter pour devenir toujours plus contagieux à cause de la vaccination. Toujours plus létal. Là, nous entrons dans une situation très grave. Ça devient très grave. C'est-à-dire que d'un virus qui, au départ, était une grosse grippe, qu'il fallait laisser passer, comme la grippe asiatique en 69. Et il y a eu Woodstock pendant la grippe asiatique. Je veux dire, comme quoi, ça allait. Quoi. L'intervention de Big Pharma, l'intervention de l'OMS, de Bill Gates, de l'Union européenne, et des gouvernements, a fait de ce truc, potentiellement, au moins au plan potentiel, une vraie bombe virale, un Tchernobyl viral, pratiquement. Alors, on peut se demander, ils le voulaient pas, mais leur intervention a rendu tout bien pire. Voilà. Alors, j'essaie d'expliquer, donc vous pouvez m'arrêter. Hein. Alex, tu voulais prendre la parole ? Oui, il y a pas mal de choses que j'aimerais dire, mais c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs mécanismes différents, mais qui vont dans le sens de la maladie. Par exemple, le docteur Tenpenny avait parlé de ce qu'elle a appelé le phénomène du cheval de Troie, c'est-à-dire qu'elle pense que dans un certain nombre de cas, le corps des vaccinés, leur système immunitaire, ne reconnaîtra pas le virus comme étant quelque chose de dangereux ni d'étranger, parce qu'à l'intérieur, il y a le mal atténué, enfin, il y a notamment la protéine spike. Bon. Alors, vas-y, précise un peu ça, vas-y, reformule un petit peu là. Voilà, donc bon, les vaccins donc nous introduisent dans notre corps la protéine spike, et l'objectif, normalement, ou en tout cas sur le principe, c'est censé prévenir le mal, c'est-à-dire le corps, le système immunitaire connaît le virus, connaît le mal, et donc peut s'en prémunir. Simplement, elle parle du mécanisme du cheval de Troie. On peut faire une parenthèse historique ou mythologique pour rappeler ce que c'est que le cheval de Troie. C'était un cheval en bois qui avait été fabriqué pour entrer dans la ville de Troie. Mais à l'intérieur du cheval, il y avait des soldats qui étaient là et qui avaient pour projet secret de détruire la ville, chose qu'ils ont réussi à faire. Et donc, en réalité, elle pense que ce qui peut se passer, c'est que les vaccinés, le corps des vaccinés ne reconnaît pas le virus comme étant dangereux ni extérieur quand ils sont de nouveau en contact avec le virus après avoir été vaccinés, et que donc le mal se répand, la protéine spike se multiplie davantage, etc. Bon. En fait, là où se situe le risque pour expliquer ça aux gens. Donc, mais je vois un peu ce qu'elle veut dire et effectivement ça s'approche un peu de ce qui est en jeu. Alors, quand on a eu la première vague virale naturelle entre guillemets, donc avant l'intervention de la vaccination, on a pu avoir une photographie de ceux qui étaient susceptibles de le contracter, mais surtout d'en souffrir, voire d'en mourir. Et la réponse n'a pas été très surprenante, c'est qu'en gros, les octogénaires en sont morts, et encore 8%. Bon, moyenne d'âge en France, c'est 81 ans, 82, dans d'autres pays, c'est 84 ans. Bon, écoutez, c'est un âge respectable, entre guillemets, c'est pas que je souhaite la mort des gens âgés, mais je veux dire, il n'y a rien de totalement anormal que des octogénaires qui sont déjà souffrants, etc., meurent, et encore pas tous. Je veux dire, c'est pas une élimination systématique, c'est une petite minorité. Évidemment, c'est toujours regrettable, mais enfin bon, il n'y a rien, si vous voulez, qui est choquant du point de vue purement intellectuel. Bon. Donc on l'a vu, les jeunes ont très bien résisté, avec des taux dérisoires de mortalité, enfin, ça n'existe, il n'y avait juste pas de mort. Les médias ont créé, depuis 18 mois, une contre-narration face à ça, face à cette réalité. Ils ont mis en exergue des cas de jeunes de 20 ans, de 18 ans, de 16 ans, qui mouraient. C'est, évidemment, c'est triste, et les gens se disent « Oh, mon Dieu, les jeunes meurent de cette maladie !» Mais non. Cette personne-là était malheureusement morte de ça, parce que telle condition, on ne sait pas... Souvent, d'ailleurs, ils souffraient d'autre chose, hein. Mais c'était marginal. Mais ça permettait de conditionner l'opinion pour vacciner les jeunes. C'est là que ton histoire de cheval de Troie commence à devenir intéressante. C'est-à-dire que, naturellement, leur immunité fonctionnait extraordinairement bien. Elle faisait son boulot face au Covid-19. Mais vacciner... Je précise très rapidement, ouais. alors même que les traitements qui existaient n'étaient pas encouragés, voire même interdits. Je ah oui, ma aussi, bien sûr. Mais maintenant, avec cette vaccination complètement folle des adolescents et des enfants, voire même des nouveau-nés, sacrilège. Le résultat que vous avez, c'est qu'ils n'ont plus leur défense naturelle qui marchait formidablement bien. Ils vont avoir la défense acquise par l'entraînement du vaccin, c'est-à-dire la réaction sur les protéines spike. Mais qu'est-ce que vous faites face à des variants qui auront contourné cette vaccination? C'est-à-dire des variants résistants au vaccin qui vont arriver. Ça, c'est pour ça que je vous dis, l'immunité collective, on n'en aura pas. Donc de toute façon, il va y avoir des variants qui vont contourner le vaccin. Ça, c'est ce que j'explique aux gens. Il va y avoir des variants qui vont contourner le vaccin. Eh bien, ces jeunes-là, ils n'auront plus de défense naturelle. Ils n'auront que la reprogrammation de leur système immunitaire par ce vaccin. Mais elle leur servira à rien. Face à des variants résistants au vaccin, elle leur servira à rien. Ils seront nus. Et ils seront aussi exposés que des vieux. C'est ça le drame. C'est ça que les gens pichent pas. C'est-à-dire qu'ils ont été désarmés par la vaccination. Sans aucune justification médicale. Il n'y avait aucune raison de les vacciner. Aucune. Maintenant... leur ligne de défense repose uniquement sur ce vaccin-là. Et si ce vaccin est déjoué, ils sont exposés, ils sont nus face à des variants. C'est de la folie furieuse, d'accord ? Et là, pour le coup, maintenant, on a un vrai risque de pandémie. Là, on a un vrai risque de pandémie, vous comprenez ? Avec des sujets jeunes. Face à des variants de plus en plus infectieux, vous voyez, qui ont beaucoup plus de chances de les contaminer que le premier variant de Wuhan. Donc la vaccination rend tout pire. Et on n'explique ça à personne. On est en train de dire aux gens, vaccinez-vous tout de suite, maintenant, très vite. C'est de la folie, c'est de la folie furieuse. Les gens qui vaccinent leurs gamins sont des assassins en puissance. Ils ne le savent pas, je leur accorde. Mais c'est des assassins en puissance sans le savoir. On est en train d'exposer leurs gamins qui vont très bien. Donc on ne se fait pas vacciner quand on est en pleine santé, il faut arrêter. Faut arrêter, je veux dire. Je vous dis, c'est de la folie. Et le cas britannique le démontre, ok. Donc non seulement la contamination touche les gens vaccinés, donc l'infectiosité se renforce. Plus ça va, plus les non-vaccinés deviennent moins intéressants pour le virus, qui s'en fout d'eux parce qu'ils sont une minorité, parce que c'est pas trop d'énergie pour essayer de toucher 10% du cheptel, pas intéressant. Et on va avoir des combinaisons de variants, alors ça c'est le pompon, ok. c'est quand vous avez un hybride qui va cumuler, si vous voulez, le pire de deux variants. Donc, je sais pas, vous prenez le variant bêta, dont les gens parlent assez peu en France, mais le variant bêta, par exemple, ça, c'est la déclaration du gouvernement britannique maintenant. Les doubles vaccinés qui reviennent de France au Royaume-Uni sont placés en quarantaine. Les doubles vaccinés. Pourquoi ? Ben d'après le Pakistanais qui est ministre, qui est positif lui-même, d'après ses déclarations, c'est pour éviter que le variant bêta se répande au Royaume-Uni. Évidemment, il n'y a que le variant delta. Mais le variant delta, il est comprimé par la vaccination. Vous avez compris, il est très infectieux, mais il est relativement comprimé. Mais le variant bêta, d'après les conclusions des experts britanniques, parvient à contourner le vaccin. A priori, il a déjà vaincu le vaccin. Donc il arrive sur le marché britannique avec un avantage considérable sur les autres variants, c'est qu'il bat le vaccin. Donc il rafle la mise. Vous comprenez cette logique de compétition comme sur un marché, quoi. Il a un avantage compétitif qui fait que ce variant-là risque de balayer tous les autres variants. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de compétition entre les variants, mais il a un vrai avantage compétitif, comme une nouvelle entreprise qui a un nouveau produit, a un énorme avantage compétitif sur le marché, au point de pouvoir complètement le rafler. Donc, c'est pour vous dire à quel point les types se contredisent. Ils sont en train de vacciner comme des tarés en disant, au Royaume-Uni même, hein, en disant, on va vers l'immunité collective, tout en disant, attention, le variant bêta, faut pas qu'il arrive en Grande-Bretagne, parce que sinon, tout le monde va se faire infecter avec. Oui, donc il n'y a pas d'immunité collective. Donc, voilà. Donc, vous voyez dans quelle situation on est là ? C'est le scénario... Alors, du coup, pour résumer, nous sommes rentrés sous l'effet de la vaccination dans un cycle où tu vaccines, tu génères des variants. Face à ça, les types te disent il faut revacciner avec des vaccins mis à jour, mais qui n'ont pas de mémoire, je vais m'y arrêter, qui vont générer de nouveaux variants, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on est dans le cycle de vaccination, réinfection, vaccination, réinfection, vaccination, réinfection, et à chaque fois, la sélection se fait à l'inverse, avec des variants toujours plus dangereux. C'est délirant. Oui, on pourrait faire un parallèle d'une certaine manière avec ce qui s'est passé au moment de la grippe espagnole. Alors, le docteur Fauci lui-même, qui, comme on l'a dit plusieurs fois, chapeaute la santé, notamment en matière virale, de virologie aux États-Unis depuis longtemps, avait reconnu lui-même que la grippe espagnole n'était pas une grippe. Enfin, selon lui, que c'était plutôt une pneumonie. Et finalement, on n'avait pas grand-chose à voir avec l'Espagne. Hein, on a dit espagnol pourtant. Alors, j'ai un témoignage d'une personne qui était docteur en pharmacie, dont les parents étaient dans le personnel médical au moment de 1918 de la grippe. Alors, si ce n'est pas trop long, je vais bien lire un extrait. Vas-y. C'était une observatrice sur place de l'épidémie de grippe de 1918. Tous les médecins et les personnes qui vivaient à l'époque de l'épidémie de grippe espagnole de 1918 disent que c'était la maladie la plus terrible que le monde ait jamais connue. Des hommes forts et robustes étaient morts le lendemain. La maladie présentait les caractéristiques de la peste noire, en plus de la typhoïde, de la diphtérie, de la pneumonie, de la variole, de la paralysie et de toutes les maladies contre lesquelles les gens avaient été vaccinés immédiatement après la Première Guerre mondiale. Pratiquement toute la population avait été injectée ou ensemencée avec une douzaine ou plus de maladies ou de sérums toxiques. Lorsque toutes ces maladies créées par les médecins ont commencé à se manifester en même temps, ce fut tragique. Cette pandémie s'est prolongée pendant 2 ans, maintenue en vie par de nouveaux médicaments toxiques administrés par les médecins qui tentaient de supprimer les symptômes. D'après ce que j'ai pu découvrir, la grippe n'a frappé que les personnes vaccinées. Ceux qui avaient refusé les vaccins ont échappé à la grippe. Ma famille avait refusé tous ces vaccins et nous sommes restés en bonne santé tout le temps. Nous savions, grâce aux enseignements de santé de Graham, de Trail, de Tilden, donc des médecins de l'époque, et d'autres, qu'on ne peut pas contaminer le corps avec des poisons sans provoquer de maladie. Lorsque la grippe était à son apogée, tous les magasins étaient fermés, ainsi que les écoles, les entreprises, même l'hôpital, car les médecins et les infirmières avaient été vaccinés aussi et étaient atteints de la grippe. Il n'y avait personne dans les rues, c'était comme une ville fantôme. Nous, qui n'avions pas été vaccinés, semblions être la seule famille à ne pas avoir attrapé la grippe. Mes parents allaient de maison en maison et faisaient ce qu'ils pouvaient pour soigner les malades, car il était impossible de trouver un médecin à l'époque. S'il était possible que des germes, des bactéries, des virus ou des bacilles provoquent des maladies, ils avaient de nombreuses occasions d'attaquer mes parents lorsqu'ils passaient de nombreuses heures par jour dans les chambres de malades. Bon. J'avance un peu. On a dit que l'épidémie de grippe de 1918 a tué 20 millions de personnes dans le monde. Mais en réalité, ce sont les médecins qui les ont tués avec leurs traitements et leurs médicaments rudimentaires et mortels. C'est une accusation sévère, mais elle est néanmoins vraie en juger par le succès des médecins sans médicaments, qui n'ont pas utilisé de médicaments par rapport aux autres médecins. Alors que dans les hôpitaux médicaux, donc les hôpitaux académiques, perdraient 33% de leurs cas de malades. Les hôpitaux non académiques, donc homéopathiques et autres, tels que Battle Creek, Kellogg, McFadden, etc., obtenaient 100% de guérison grâce à leur cure, leur lavement, etc. Un docteur donc, n'a pas perdu un seul patient en 8 ans, un de ses docteurs, bon, etc. Donc si les médecins avaient été aussi avancés que les médecins n'utilisant pas de médicaments, de vaccins, etc., il n'y aurait pas eu ces 20 millions de décès au traitement médical de la grippe. Bon, je m'arrête là. Y a un truc intéressant sur la grippe espagnole, c'est qu'il n'y a pas eu de variant. Ce que les gens ne savent pas. Il n'y a pas eu de variant. En environ 18 mois, 2 ans, il n'y a pas eu de variant. On ne l'explique pas aux gens, ça. Oui, il y a aussi un élément important là que je n'ai pas cité, mais elle parle des militaires. Elle dit que les militaires mouraient très souvent. Mais vous savez que les militaires, traditionnellement, étaient vaccinés pour partir en opération à droite à gauche. Et alors que normalement, théoriquement, officiellement, les militaires sont déjà en bonne santé. Donc là, beaucoup de morts chez les militaires, plus que chez des gens qui avaient peut-être 50, 60 ans, etc. Oui, après les gens vont dire que Première Guerre mondiale, population affaiblie, pas de nourriture, la guerre, le rationnement, etc., beaucoup de blessés, bon, la promiscuité aussi dans des grands espaces, des hôpitaux, des casernes, ça, ont pu jouer, ce qui est un argument tout à fait recevable. Mais disons que le témoignage que tu donnes, c'est quelqu'un qui dit que en pratique, en fait, le traitement était pire que le mal, en réalité, quoi, hein, c'est ce que tu dis. Hein. Oui, parce que là, on est aux États-Unis, donc les États-Unis, excuse-moi de te couper un peu, mais on participait à la guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, mais que sur la fin, et il n'y a pas eu de guerre sur le sol américain. Donc là, on parle bien des villes américaines, dont elle dit bien les hôpitaux tellement surchargés qu'ils étaient fermés, finalement, où les médecins étaient eux-mêmes malades. Les restaurants, les magasins étaient fermés. Ça nous rappelle aujourd'hui la situation, même si quand on a fermé, quand on a fait les soi-disant confinements, en fait, c'était pas finalement l'apocalypse que pourtant on décrivait dans les médias. Il y avait une part évidemment de médiatisation à outrance. Ah oui, c'était de la folie. Alors, en France, il y a eu à peu près 20 000 morts de plus que l'année d'avant, je crois. Donc, 20 000 morts sur 67 millions d'habitants, c'est quand même une part assez, assez faible, même si évidemment c'est toujours triste de mourir, mais bon. Chez un public âgé, déjà malade. Je veux dire, dont on savait, parce que ça a été reconnu d'ailleurs par des vaccinolâtres, des tenants de la ligne officielle, hein, qui ont dit que de toute façon, les gens qui étaient morts allaient mourir dans l'année. Il faut bien comprendre ça. Hein. Il faut toujours, je sais qu'il faut répéter parce que c'est comme ça, mais les gens qui sont morts sont très, très majoritairement des gens qui étaient très âgés, déjà malades. Voilà. Alors, oui, vous avez des exceptions, bien sûr. Vous avez parfois un adolescent de 16 ans qui est mort du Covid. Oui, c'est arrivé, bien sûr. Des gens de 40 ans étaient à la force de large. C'est arrivé, bien sûr. Mais ça n'est pas représentatif. Il ne faut pas faire de l'exception la règle. Il faut s'intéresser aux ordres de grandeur. Et les chiffres sont là, d'accord ? Donc, il faut quand même le rappeler. Donc, je disais bien, il n'y a pas eu de variant avec la grippe espagnole. Maintenant, nous avons des variants dans tous les sens. Donc, au bout de 2 ans, ça a disparu. Là, c'est pas le cas. C'est ce cas, ils expliquent pas ce truc-là. Ils sont en train de faire croire que tu vas venir à bout des variants avec le même vaccin. C'est faux. On ment. Ils mentent. Et je ne crois pas un seul instant que tous ces médecins puissent ne pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ils le savent. OK ? Donc, ils veulent vacciner pour affaiblir et exposer les populations qui le font. D'accord ? Là, il y a quelque chose qui se passe. On va y venir. Démontrons l'absurdité des mesures prises. Je cite ce truc, c'est très court, ça fait 3 lignes. On va aux Pays-Bas. De nombreuses personnes ont été contaminées lors d'un festival de musique à Utrecht. Il était pourtant obligatoire de présenter une preuve de vaccination, de guérison ou un test négatif pour y entrer. Sur les 20 000 participants du festival Verknipt, je prononce mal, je ne parle pas néerlandais, ne m'en voulez pas, plus de 1 000 sont positifs au coronavirus. Ça veut dire que ça fait 5%. Alors j'entends déjà les réactions. 5%, c'est pas grand-chose. Alors 5% dans un festival en plein air, lors d'une interaction très restreinte, ok, avec un public vacciné et filtré, allez m'expliquer que c'est pas un taux qui est quand même assez costaud. Ok, ça ne marche pas. Cette histoire de filtrage de passeport vaccinal ou de passeport intérieur ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Et ils savent que ça ne marche pas. Ils le savent. D'accord ? Et démonstration est faite. Dans cet événement, d'autres événements vont suivre qui vont le démontrer. De la même façon qu'on nous avait dit « Ah oui, mais les vaccinés contractent sont beaucoup moins infectés par le virus que ceux qui ne sont pas vaccinés. » La preuve, regardez en Grande-Bretagne, les cas de vaccinés étant infectés ou réinfectés vont devenir très rapidement majoritaires au Royaume-Uni. Vous voyez, les vaccinés sont, les non-vaccinés sont une minorité maintenant là-bas. Et oui, c'est logique. Les non-vaccinés deviennent beaucoup moins exposés parce que le virus ne s'intéresse plus à eux en raison des mutations. Vous voyez, vous comprenez ce que je dis. C'est de la folie. C'est à se taper la tête contre les murs. Sans compter les effets négatifs dont on a déjà parlé. Bon, ah, les effets secondaires. Mais... Ouais, ça, les effets secondaires. Voilà. Disons qu'il y a aussi tout un tas d'effets secondaires qui ne sont pas répertoriés, évidemment. Alors, ils sont plus ou moins graves, mais vous avez des gens que je connais très bien qui me disent qu'ils sont fatigués de façon chronique, alors que c'est des gens qui n'étaient pas hostiles au principe de se faire vacciner. La preuve, ils l'ont fait alors que c'était avant la pression aujourd'hui du passeport vaccinal. Donc, ils me disent, je récupère moins bien, je suis plus souvent fatigué. Alors, effectivement, c'est assez dérisoire, vous me direz, à l'échelle d'une population, des gens un peu fatigués. Mais il n'empêche que ça, plus ça, il y a eu des cas graves, évidemment, de gens qui ont perdu des facultés suite à des thromboses, parfois mortelles, mais parfois c'était, une thrombose dans la jambe, des gens qui ont été amputés, comme quelqu'un qui a été champion de taekwondo. Il y a longtemps, en 1984, je crois, mais un Anglais qui était devenu ensuite un globe-trotteur et puis un restaurateur qui a perdu sa jambe et qui donc était amputé. Donc, c'est quand même quelque chose de très grave, hein, même si, évidemment, on pourrait dire « oui, mais c'est que quelques personnes, ça, mais... » Attends, non, c'est pas quelques personnes, on a les chiffres américains. C'est des milliers de personnes qui sont décédées. Je crois que c'est 6 000. Fait, hein. Alors, on va dire « oui, mais 6 000 sur X millions de vaccinés, c'est rien. » Attendez. Ça franchit tous les standards de la vaccination autorisée. Alors, de toutes choses l'une, les standards précédents étaient faits en dépit du bon sens, auquel cas, faut savoir. Hein, ça veut dire si que... je dis pas de bêtises, je crois que c'est un vaccin qui dépassait les 30 morts ne pouvait jamais être autorisé sur le marché. Hein. Tout à fait. Donc, entre 25 et 50. Aux États-Unis, je crois qu'on est à peu près à 6000 morts, là, reconnus. Oui, j'ai attendu. Pardon de te couper, mais donc le chiffre du VAERS, donc le système officiel de report des accidents post-vaccinaux. Donc entre le 14 décembre 2020 et le 2 juillet 2021, ont été reconnus officiellement 9048 morts et 41015 blessures, enfin sérieuses. Enfin, séquelles, en tout cas, des séquelles. Séquelles, oui, c'est injuries. Bon, oui. On reporte en totalité, 438 441 effets secondaires. Bon, sachant que d'après le docteur Klinghardt d'Allemagne, qui a participé à l'élaboration de ce VAERS, en tout cas il a milité pour que un tel système soit mis en place dans les années 80-90, il estime lui qu'il y a environ 1% seulement des effets secondaires qui sont reportés. Alors là, effectivement, si ça c'était vrai, si ça, son chiffre est tout à fait exact, là ça veut dire que c'est pas 9000 morts, c'est... je suis pas très bon en maths, mais 900 000 morts. Bon, c'est peut-être pas automatiquement si tu veux 1%, etc. Vous avez parlé des effets secondaires, ça veut pas dire qu'ensuite, dans les effets secondaires, c'est exactement ça. Ce qu'on sait, c'est que sur les effets secondaires qui sont reportés au niveau de l'Union européenne, on en avait parlé, hein, base officielle, hein, il y en avait 1 million qui étaient rapportés, et on était à un moment de la vaccination où on était que sur les personnes de plus de 65 ans. Donc on n'était pas les populations actives ou plus jeunes, en tout cas. Donc sur les personnes de plus de 65 ans rapportées dans les statistiques de l'Union européenne, au mois de juin, on est déjà à 500 000 d'effets secondaires, dont la moitié, donc plus de 250 000, étaient graves, dont un certain nombre, des milliers, mais indéterminés, étaient mortels. D'accord ? de toute nature, on y était revenu dans une émission précédente. Donc de toute façon, c'est à grande échelle, d'accord ? Et ça dépasse, mais de très loin, ce qui est admis en termes de vaccination. Alors, c'est ce que je disais, c'est-à-dire, ok, donc les standards d'aujourd'hui, où il y en a je ne sais pas combien qui souffrent d'effets secondaires ou qui décèdent, et ça c'est juste des effets secondaires, c'est même pas les conséquences de la stratégie qui est adoptée, hein, sur laquelle on va revenir et on en parlait avant. Ça c'est juste des effets secondaires. Donc soit ce qui est fait là aujourd'hui c'est génial, auquel cas les mecs qui présidaient au standard précédent étaient des demeurés qui ne savaient rien, pas de bol, c'est les mêmes gens. Ou alors on fait n'importe quoi aujourd'hui et on nous ment. Mais il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui colle pas. D'accord ? Ça ne va pas. Bien. Tu peux pas comme ça avoir, ouais, 10 000 morts. Ouais, mais qu'est-ce que c'est, 10 000 morts ? Non, attendez, 10 000 morts tout de suite, là, en quelques mois ? Et sur 5 ans, et sur 10 ans, et sur 20 ans, parce que c'est des effets à long terme. Les gens ne comprennent pas, la vaccination reprogramme ton système immunitaire pour ta vie entière. D'accord ? Les gens ne mesurent pas du tout ce qui est en train de se passer. Je veux dire, les maladies auto-immunes, etc. Ah oui. Ce sont des choses qui se développent sur le long terme, hein, parmi les arguments traditionnels des vaccino-sceptiques, on va dire. La mort subite, c'était un argument qui était très minoritaire. Alors, on parlait de la mort subite du nourrisson, suite parfois des vaccins, mais autrement, les arguments, c'était des maladies auto-immunes, des allergies, peut-être des cancers, des scléroses en plaques, des choses comme ça. C'était ça leurs arguments, et ça se développe pas en un jour, hein. Ça se développe en plusieurs années. Tout à fait. Pas tout de suite. Écoutez les gars, moi je vous écoute, mais il faut arrêter. Il faut battre en brèche le complotisme. Je sais, je vais perdre des fans en disant ça, mais franchement, c'est pas comme s'il y avait quelque part écrit sur des pierres qu'il faut réduire la population mondiale. Non, vous n'êtes pas raisonnable quand même. Ils l'ont pas fait exprès. Qui aurait dit ça ? Et où et quand ? En Géorgie, aux États-Unis. Théorie du complot, brûlé, hein ? Sur le bûcher. Effectivement, Alexis, je faisais effectivement référence à cette. C'est comment déjà, Georgia ? Les Guidestones, ouais, les pierres de guide. Effectivement, qui parle de maintenir la population aux environs de 500 000 personnes. 500 millions, excusez-moi. Ouais. Et sachant qu'on est 7 milliards, donc ça fait une division par 14. Hein. Il va falloir qu'il y ait des gens qui se poussent. Hein. Mais bon, visiblement, il y a des golems qui sont très contents de se faire vacciner. Donc, j'ai envie de leur dire quelque part, les mecs, merci et... Tu es dans les pertes. Est-ce qu'on n'est pas face au plus grand test de QI en temps réel de l'histoire, quelque part ? Je crois qu'on est dans un gigantesque Darwin Award, en fait. Donc, sur le cas néerlandais, c'est typique, puisque là, ça fait le lien avec ce qu'on disait avec Macron, donc son passeport magique, son passeport qui va résoudre tous les problèmes, qui va permettre aux gens de retrouver leur vie d'avant, et qui justifie du coup la mise au ban des non-vaccinés, n'est-ce pas ? Vous avez vu que ça ne fonctionne pas, d'accord ? Donc ce pass ne fonctionne pas, c'est pas le pass magique, d'accord ? Donc ils continuent à les vaccinés se contaminent entre eux, pour cause de variants de plus en plus résistants, d'accord ? Donc c'est l'échec de la vaccination, ce qui n'empêche pas les autorités françaises de continuer à dire « vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous », de criminaliser et de diaboliser ceux qui ne veulent pas être vaccinés, alors qu'ils veulent préserver leur système immunitaire naturel qui fonctionne jusqu'à présent, vous comprenez ? Donc, le plus fascinant dans tout ça, c'est qu'on voit en temps réel non seulement la vaccination échouée, non seulement ce passeport sanitaire échoué, dans ses buts allégués au plan médical, mais on est bien d'accord que c'est pas ça le vrai but, hein. Mais c'est en train de jouer. Ceux qui avaient déjà des doutes disent « Attendez, regardez, là, ça marche pas », tout d'un coup se font attaquer frontalement. On dit « Ah ouais, vous voulez pas vous faire vacciner ?» D'accord, ok, bon, bah alors maintenant, on va prendre la méthode dure. Et t'as Macron qui arrive à la télévision, et dit « Bon, alors, on va vous vacciner de manière obligatoire maintenant, hein, d'accord ?» Si, et dans le cas des soignants, « Vous voulez pas vous faire vacciner ? Pas de problème, vous êtes licencié en septembre. » Ok, c'est en train de rater en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, et ça va devenir de plus en plus flagrant partout. Et ceux qui résistent, un peu fort à la mot, On leur dit, ah ouais, tu résistes, toi, bah tu vas voir. Et là, tu dis, attends, médicalement, ça n'a aucun sens, et ils accélèrent toujours plus la pression. Il y a autre chose qui est en jeu, hein. Il y a autre chose. C'est, voilà. Et je voulais souligner ce point-là. Alors, il y a tellement autre chose que... voilà, on rentre vraiment dans le fond de la question. Donc, si, soi-disant, cette vaccination à double dose, voire triple dose, voire quadruple dose, je rigole pas, hein, je veux dire, c'est dans la presse, hein, ils sont en train de parler de quadruple dose, alors que tout le monde sait qu'en termes de vaccination, contrairement aux médicaments, la quantité ne change rien. La vaccination, c'est pas une question de quantité, hein. Bon, c'est pas grave. Donc ils sont en train de dire on va foutre 4 doses, etc. Bon, regardez à quel point ça va loin. Article du Parisien de ce jour. Ahurissant. Alors, le menu était simple. Vaccination en entrée, en plat et en dessert. Ce vendredi midi, Thierry... non, c'était vendredi, autant pour moi, donc là, l'origine de l'article. Ce vendredi midi, Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur. Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes. Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie. Et Jean Castex se sont retrouvés pour un déjeuner de travail à Matignon. L'occasion de faire un point sur l'approvisionnement pour les prochains mois et les prochaines années. Ah bon, les prochaines années? Pourquoi les prochaines années? Le gouvernement, que l'opposition accuse de ne pas avoir anticipé depuis le début de la crise, a voulu montrer qu'il pensait bien à la suite. Il faut aussi anticiper pour demain et passer de nouveaux contrats, souligne Clément Beaune. Dans les 15 jours prochains, justement, des contrats vont être signés avec Pfizer, ah tiens, pour les années 2022 et 2023. Ils porteront sur près de 2 milliards de doses de vaccins adaptés aux variants et à des futurs possibles variants. Bah non, par définition, si c'est des variants, ils sont imprévisibles, tu peux pas prévoir de futurs possibles variants, ça n'existe pas. Donc, chèque en blanc pour Pfizer. Peu importe ce qui arrive, extraordinaire. Il s'agissait également d'afficher un certain optimisme en misant sur Pfizer, alors que la campagne autour de l'AstraZeneca continue de connaître des ratés et de créer de la défiance. C'est grâce à la Task Force européenne pilotée par Thierry Breton que notre pays recevra d'ici 15 jours plus de 7 millions de doses supplémentaires du vaccin BioNTech Pfizer, plus 250 millions de doses à l'échelle de l'UE, tout en renforçant nos capacités de production. On accélère, s'est ainsi vanté le Premier ministre dans un message publié sur Twitter accompagné d'une photo des participants au déjeuner. Castex est définitivement un taré avec une gueule de taré qui finira dans un box face à des juges issus du peuple, je vous le dis. Le risque industriel paraît maîtrisé, confirme un conseiller. Nous confortons nos doses au niveau français, a assuré de son côté Agnès Pannier-Runacher dès le matin sur BFM TV, réaffirmant que la promesse d'Emmanuel Macron que tous les volontaires de plus de 18 ans pourraient être vaccinés d'ici la fin de l'été. À l'automne, nous aurons la capacité en nombre de doses pour vacciner les 12-17 ans. La catastrophe, avait également assuré la ministre, précisant pour l'instant que cette décision de vacciner les adolescents n'était pas encore prise. Je ne suis pas médecin, a-t-elle ajouté, mais intuitivement, tout ce qui peut être mis en œuvre pour freiner durablement la circulation du virus doit être retardé. Avant de préciser, les experts trancheront. Oui, ils ont déjà tranché, on a vu ce que ça donne. Alors donc, il faut vacciner encore plus parce que ça freine la circulation qui accélère chez les vaccinés. Y a des gens qui réfléchissent encore aux vents ou quoi? Pose la question comme ça, non, je sais pas. C'est... Ce sont des commerciaux, des représentants de commerce, des grands labos, quoi. Non, c'est plus grave que ça. Là, ce sont des gens qui tuent des gens. Je le dis plus sérieusement, là. Les gens qui viennent de s'exprimer, Castex, Runacher, Beaune, ce sont des gens qui doivent être cités à comparaître devant un tribunal. En plus de tous les autres. Bah écoute, c'est pas très différent de ce qui s'est passé avec l'affaire du sang contaminé, hein. On sait que s'il n'y a pas de tribunal populaire avec des juges du peuple, et qu'un mouvement révolutionnaire ne prend pas le pouvoir, ces gens-là, même s'ils étaient déclarés coupables, ils ne seraient pas tenus responsables légalement, d'autant plus que les labos n'en parlons pas, avec toutes les clauses qui ont été signées. Donc c'est clair que là, on est dans... En fait, on se réjouissait de l'accélération, hein, des problèmes... de problèmes qu'il y avait en France, parce que ça pouvait nous mener à un changement de paradigme. Mais là, on n'est même plus dans l'accélération, c'est-à-dire qu'on a tous été pris de court. Le génocide des Blancs qui était organisé quand même très lentement, hein, en différé, ouais. via l'immigration de masse, bien sûr, les meurtres, les viols qui en découlaient également, ça nous laissait le temps de nous organiser. Là, en fait, effectivement, comme tu dis, c'est extrêmement sérieux, parce que là où ils s'attaquaient à notre existence physique, notre existence génétique, via notamment le métissage, là, ils s'attaquent également à notre existence physique et génétique, mais à une échelle et à une vitesse telle que si jamais les prédictions des voix discordantes dans la communauté scientifique se réalisent, les gens ne sont pas prêts pour les conséquences que ça engendrerait. Tout à fait. Tu faisais référence à l'affaire du sang contaminé. Je rappelle la fameuse phrase de Laurent Fabius, le juif Fabius, responsable, mais pas coupable. Pas coupable. Voilà. Donc, à la tête hein, du Conseil constitutionnel, dont le fils, d'ailleurs, est intéressé à la vaccination, hein, puisqu'il fait partie de. Il est mandaté hein, par différentes officines pour que ça se passe bien, on va dire. Oui, et puis qui accessoirement aussi aime bien lancer des fatwas contre des chefs d'État étrangers à la télévision. Tu fais référence à Bachar al-Assad, là. Effectivement, et cet homme-là ne mérite pas de vivre, voilà, en plein plateau de télévision aux 20h. Voilà. Ouais. Al-Nosra fait du bon boulot sur le terrain, donc en fait Al-Qaïda. Ouais. Et dont le fils, donc, c'est McKinsey, hein, cher Alex. Oui, c'est ça, c'est-à-dire une société qui conseille le président de la République. Alors, il n'y a pas assez d'autres autorités, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de gens en France. Il faut faire appel à une société étrangère pour piloter la vaccination. Et donc, avec Victor Fabius, un des fils de Laurent Fabius à sa tête, en tout cas pour la France, qui joue un rôle important. Alors, pour vous expliquer la spirale infernale dans laquelle ces gens nous ont placés. L'objectif, j'avais dit au départ dans l'émission, et franchement vous pouvez rapporter aux émissions précédentes que j'avais, enfin qu'on avait fait collectivement, mais dans lesquelles je m'étais exprimé sur le sujet, j'avais dit, ils commencent avec quelque chose qui est assez bénin, forme modérée de virus, une grosse grippe, qui permet déjà de mettre en place toute une série de mesures autoritaires, de contrôle, de reprise de contrôle des populations. Mais j'avais dit aussi, et ça franchement, vous pouvez vraiment le retrouver, que il, tôt ou tard, viendrait avec quelque chose de beaucoup plus sérieux pour parachever l'instauration du système totalitaire auquel ils aspirent. Et je crois que nous y sommes. Et en fait, ça faisait partie du plan dès le départ, mais évidemment, c'est toujours difficile d'anticiper. Mais le développement de ces variants, je crois, a été en fait pensé dès le départ. Donc cette vaccination de masse au prétexte de rechercher l'immunité collective visait non pas à atteindre cet objectif, mais précisément à échouer à atteindre cet objectif pour rendre la population perpétuellement vulnérable à des souches virales et donc les plaçant de facto sous la dépendance des différentes autorités, gouvernements, laboratoires, etc., pour leur survie. C'est tellement vrai que je voulais souligner un point que les gens ne connaissent peut-être pas ou auquel ils n'ont pas encore réfléchi, c'est que toutes ces personnes qui sont vaccinées ont vu leur système immunitaire reprogrammé pour faire face à la fameuse protéine Spike, qui est intégrée donc dans ce fameux virus. Bien. Le problème, c'est que ce vaccin n'intègre pas les cellules T, qui sont en fait la mémoire qui photographie un virus donné pour réagir quand il le retrouve dans l'organisme. Et ces cellules T n'ont pas été reprogrammées à dessein par le programme de vaccination. Donc en quelque sorte, oui, il y aura, si jamais des protéines Spike se représentent, il y aura à nouveau des anticorps qui sont produits. Mais si ce virus se dote, mute et devient immune au virus parce qu'il trouve la faille, ce qui va arriver, à ce moment-là, le système immunitaire ne peut pas répliquer puisqu'il, la faille ayant été trouvée, il ne pourra pas identifier le virus par aucun autre moyen, uniquement par la protéine Spike, aucun autre moyen. Donc il est un peu aveugle, s'il parvient à se camoufler par rapport à cette histoire de protein spike, le virus peut à nouveau se camoufler et passer à travers. Bien. La seule façon, aujourd'hui, compte tenu, parce que ça change les choses, d'accord ? Au départ, fallait pas vacciner, fallait pas confiner. Maintenant qu'on a vacciné tout le monde, vous avez des variants dans tous les sens, ça s'aggrave. A priori, sauf intervention humaine, il n'y a pas moyen de stopper le cycle, ce qui était recherché à mon sens. Mais comment vous allez faire ? Il faudrait passer par une vaccine traditionnelle. Donc, pas ces vaccins à ARN messager qui ciblent spécifiquement une protéine, mais vraiment le truc antigrippal classique. Vous pouvez pas ? Vous pouvez pas ? Si vous mettez une version atténuée du virus, comme c'est le cas avec la vaccination traditionnelle, dans l'organisme des gens que vous voulez vacciner, votre fameuse reprogrammation qui vise à cibler les protéines à spike va agir contre le virus, contre le vaccin, contre ce vaccin traditionnel. Vous ne pouvez pas casser la spirale avec un vaccin traditionnel. Vous ne pouvez pas. À la minute où vous injectez un vaccin traditionnel anti-Covid dans le corps d'une personne vaccinée, son système immunitaire a été entraîné à détruire tout ce qui a cette protéine, y compris une version atténuée. Vous ne pouvez pas casser le cycle. Ils ont refermé la porte. Ils ont refermé la porte. C'est irréversible. En l'état actuel, c'est irréversible. Et il y a encore des gens qui croient que ça, c'est une erreur. Il y a des gens qui pensent encore que c'est un succès. Hein. Il y a des gens qui sont encore là à dire « ouais, tout va bien », etc. Hein. Il y a encore des gens intelligents pour se dire « non, mais c'est juste une succession d'erreurs graves. En » fait. Il n'y a pas volontaire. À grande échelle. Il n'y a pas de complot. Ouais, non. Non, j'essaye d'expliquer ça parce que les gens comprennent, en fait. Vraiment, c'est pour ça que c'est d'autant plus grave avec les jeunes. Leur système immunitaire fonctionnait très bien. Le Covid n'avait pas de prise sur eux. Maintenant, ils n'ont que la ligne de défense de la reprogrammation induite par le vaccin pour se protéger, c'est-à-dire en ciblant les protéines spike. Les variants vont arriver qui vont neutraliser la vaccination. Ils vont être exposés comme les autres. Et quand vous allez dire comment on fait pour sortir de ce cycle, on va faire une vaccination traditionnelle type antigrippale, vous pourrez pas. Vous pouvez pas sortir du cycle, sauf si vous n'êtes jamais vacciné et que vos défenses immunitaires fonctionnent normalement, d'accord ? Vous n'avez pas eu de reprogrammation interne. Donc j'insiste, ne vous faites pas vacciner. Ne vous faites pas vacciner. Si vous avez 70 ans, 75 ans, je ne sais pas, ça c'est... Bon, admettons, voilà. Mais si vous avez 20 ans, 15 ans, s'il vous plaît, de grâce, ne vous faites pas vacciner. Ne faites pas cette connerie. Il faut le dire aux gens. Les gens ne comprennent pas. Les gens disent, oh, mais c'est une piqûre, c'est rien. Reprogrammer son système immunitaire pour la vie entière, c'est pas rien. D'accord ? C'est ce que je dis en soulignant la dimension, si vous voulez casser le cycle avec une vaccination traditionnelle. Vous voyez comme quoi je ne suis pas totalement anti-vax fanatique, machin. Ouais. En imaginant que. Vous ne pouvez même pas d'ailleurs, hein, c'est ce que je dis. Hein, mais c'est du long terme. Donc si vous voulez trouver des pistes de réflexion, tout est déjà clos derrière vous. D'accord ? Le champ des alternatives est réduit à rien. Il n'y a pratiquement plus d'alternatives aujourd'hui. D'accord, il y a des trucs qui pourraient peut-être fonctionner, c'est même pas étudié, et ça sera pas étudié parce que Big Pharma voudra pas l'étudier, avec des cellules NK, bon ça c'est autre chose, mais c'est des programmes qui sont, au stade de l'étude et tout, et de toute façon ils le feront pas. Ouais, mais j'ai envie de partir en vacances quand même. Voilà, désolé, hein, mais... J'ai pas de bonnes nouvelles, hein, mais désolé. Ouais, on pourra partir en vacances dans l'au-delà. Ouais. Mais après, oui, il existe évidemment des traitements. Bon, on en a cité plusieurs fois. Donc, ouais, alors, par contre, oui, alors certains pourraient peut-être, à mon avis, avoir le rôle d'antidote. Dans le cas des vaccins traditionnels, il y a ce qu'on appelle l'isothérapie. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça m'avait marqué, c'était un extrait de l'info en question, cette émission avec notamment Jean-Jacques Refker, donc sur Odyssée, qui on parlait de la Belgique et d'une pharmacie qui, dans une ville belge, fabriquaient traditionnellement ce qu'on appelle des isos du vaccin, c'est-à-dire une toute petite dose du vaccin, et puis avec une préparation homéopathique qui était donnée à la personne pour contrecarrer les effets négatifs. Ça existe dans tous les vaccins, toutes les maladies. Et là, des personnes ont voulu, dans cette pharmacie, faire la même chose avec un vaccin Covid-19. Et ça s'est su, ils ont subi une attaque, une descente de police, une confiscation de leur matériel, la pharmacie a été fermée, parce qu'on ne veut pas que des gens préparent l'antidote, quoi. Ils ont l'impression qu'on a saboté tout pour bloquer les antidotes. Alors dans une vidéo qui s'appelle « Comment sauver les personnes vaccinées », Fourtillant, avant sa deuxième arrestation, avait donné des pistes de réflexion. Maintenant, on ne peut pas s'exprimer en disant aux gens « prenez ça », d'autant que certains produits peuvent être… Il y en a plusieurs, mais il y aurait peut-être des contre-indications pour les prendre ensemble. Enfin, il y a problème des médicaments. Donc là, oui, on peut pas dire… On peut dire « renseignez-vous », mais on ne peut pas dire « je m'engage et vous serez sauvés si vous prenez ça ». Non. C'est pour ça que j'avais cité donc, le lien en fin de première partie en disant référez-vous au site internet que j'ai cité hein, et regardez les médecins qui sont listés là-bas, donc de gens qui veulent prescrire et de toute façon qui ne se reconnaissent pas dans le discours officiel sur la vaccination. Allez voir des professionnels, des gens qui ont un doctorat en médecine, d'accord, qui ont une voix discordante, qui sont dans votre département, il y en a plusieurs par département d'ailleurs. Posez-leur des questions, et vous n'êtes pas obligé de vous limiter à votre département d'ailleurs, vous allez à un département d'à côté, etc. Et posez des questions et essayez de vous faire votre opinion. Mais bon, là, on parle quand même de choses qui sont. Je vous dis encore une fois, hein, la vaccination, ce n'est pas une piqûre. Ça, c'est la façon dont on présente trivialement les choses aux masses. La vaccination, c'est la reprogrammation irréversible de votre système immunitaire. C'est irréversible. Une fois que vous l'avez fait, il n'y a pas de marche en arrière. Si c'est une connerie, vous ne pouvez pas recommencer depuis le départ, d'accord? Ça vous amène à réfléchir. Est-ce que vous avez envie que des gens comme Agnès Buzyn, Thierry Lévy, Jérôme Salomon, Martin Hirsch, François Crémieux, Sagan, etc., etc., etc., reprogramme, Fischer, reprogramme votre système immunitaire de manière irréversible. Est-ce que vous voulez? Simplement, vous disant, c'est qu'une piqûre, c'est pas grave, et de toute façon, le père Fouettard, en la personne de Macron, me menace avec ses restrictions. Bon, c'est désagréable, une piqûre, on oublie tout. Votre système immunitaire ne va pas tout oublier. Il va se rappeler de tout ce que la vaccination va lui dire de se rappeler. Moi, je vais très bien, vous voyez. Mon système immunitaire fonctionne très très bien. Je ne sais pas pour combien de temps. Je touche du bois. Il fonctionne très bien. Pourquoi voulez-vous que j'aille le saboter? Il fonctionne très bien. La nature est bien faite. La création est bien faite. D'accord? Les créatures de Dieu sont bien faites, quand même. Oui, c'est vrai, on est malade, vous voyez, quand on gagne dans l'âge, etc. Bien sûr, mais quand on est dans la force de l'âge, pas de raison, d'accord? Ok, bon. Alors, pourquoi ne pas se fier à notre système immunitaire? Pourquoi se fier à toute cette clique de juifs? Les Bourla et compagnie, vous croyez que ces mecs-là ne sont pas intéressés? Vous croyez qu'ils n'ont pas quelques comptes à régler vis-à-vis de nous? Vous croyez pas? Imaginaire, hein, très certainement, ces comptes, hein, mais de leur point de vue, très réel. Ce sont des empoisonneurs depuis toujours. Qu'est-ce qu'il leur faut aux gens? Qu'est-ce qu'il leur faut aux gens? Qu'est-ce qu'il leur faut? Voilà, c'est tout. Donc, non. Puis, de toute façon, on a donné des éléments là dans la discussion. Hein. Vaccination de masse, échec. Passeport sanitaire, bon, j'ai donné l'exemple de Pays-Bas, échec. Les variants qui surgissent, donc qui par définition rendent complètement obsolète le but. Nous avons ensuite le verrouillage définitif du système immunitaire. Si jamais on voudrait sortir de la spirale, on ne peut pas, pour ceux qui sont vaccinés. Non, la seule façon de bien s'en sortir dans cette affaire, c'est de rester séro-négatif. Il faut rester séro-négatif au Covid-19. Il faut rester séro-négatif. Ça, c'est le secret. Première chose à faire, ne pas se vacciner. Je ne sais pas comment le dire aux gens. Hein. Mais c'est bon, il y a quand même de la résistance, je veux dire. Attention, hein. Là en France, quoi qu'on est à 50% officiellement, 37 millions peut-être. Bon, ils vont encore en arracher, je ne sais pas, peut-être aller, on va dire, allez, 15 millions de types qui vont zombifier totalement, qui vont accepter de se faire empoisonner. Ouais, mais s'il y en a 10 millions qui tiennent debout, qui refusent catégoriquement, croyez-moi même, leur stratégie est... Parce que si t'as 10 millions de personnes qui sont là, qui disent « non, mais on s'en fout, restriction et tout », la réflexion elle devient impossible à mettre en place, en tout cas extrêmement difficile à mettre en place, et que par ailleurs, tu vois que les nouveaux variants frappent à bloc les vaccinés, que le passeport sanitaire n'empêche pas les contaminations, le doute va s'installer, etc. Les non-vaccinés, ils vont rigoler dans leur barbe. Là, le discours officiel va devenir extrêmement compliqué. Et je vous le dis, hein, peut-être c'est un peu la forme de conclusion de l'émission, mais l'argument qu'ils vont balancer, c'est de dire « Ah ouais, bah vous avez vu, hein, si tout a raté, c'est à cause des non-vaccinés. Hein. » Oh, les juifs, ils vont... ça va pas les étouffer, ça. Ça va certainement pas les étouffer. Voilà. Alors qu'en pratique, aujourd'hui, actuellement, ce sont les vaccinés qui deviennent une menace, entre guillemets, pour les non-vaccinés. Il y a aussi la loi en Belgique. Peut-être que Fulbert pourrait nous dire un mot de ce qui se trame aussi en Belgique, rapidement. Bon, si ça intéresse, bon... Oui, enfin, c'est la tyrannie la plus complète quoi, qui se met en place chez vous. Ils ont un projet de loi là qui est... si tu peux simplement citer les mesures hein, vraiment les plus ahurissantes... du projet de loi, alors accepté, je crois, par le Sénat et par votre Assemblée nationale, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça tout à fait, il y a peut-être un autre nom, mais en tout cas, qui ne demande simplement que d'être paraffé par le roi. Hein. Donc, est-ce que tu peux sortir là, les quelques mesures les plus hallucinantes pour instaurer, je crois, en fait, l'état d'urgence sanitaire, enfin, faire de l'état d'urgence sanitaire la norme, en fait. Oui, bien sûr. Déjà, un petit peu l'environnement, parce que c'est important. Je vois dans un article de Le Soir que le comité de concertation, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui s'occupe, c'est un comité gouvernemental composé de ministres et de premiers ministres, qui s'occupe justement de la crise sanitaire. Le titre de cet article dit « Le comité de concertation ». Il ne devrait pas y avoir de durcissement des mesures sanitaires. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ils sont presque en congé maintenant, hein, comme tout le monde. Il faut savoir qu'une organisation de journalistes, je dirais, indépendants, qui s'appelle Kairos, K-A-I-R-O-S, a sorti une vidéo hier qui attire l'attention sur un projet de loi voté par le Parlement, c'est-à-dire la Chambre et le Sénat. Donc, on est au bout du chemin des parlementaires. Ne reste plus maintenant qu'une signature royale pour en faire un arrêté royal. Bon, Kairos prévient, voilà. Ceci passe en douceur. Au moment où le pays est touché par l'événement des inondations, hein, que vous connaissez, comme en Allemagne, hein, et que bientôt ils vont partir en congé. Il faut donc s'attendre à voir cette loi probablement prendre corps comme arrêté royal à la rentrée, puisque, disent-ils, tous les experts en Belgique et ailleurs annonce une probable, une certaine recrudescence des cas et des contaminations après l'été, à l'automne. Bon. Et dans les règles de cette loi, on trouve des histoires assez extraordinaires, comme par exemple tout rassemblement intérieur ou extérieur seront interdits, oui. Les rassemblements en ligne pourront être soumis à contrôle. Bon, on ne peut pas se retrouver à l'extérieur, in vivo, si je puis dire, mais en ligne, oui, pas de problème. Mais on peut être quand même contrôlé. Voilà, alors ça c'est le premier truc hallucinant. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites des visioconférences entre amis, vous pouvez être contrôlé. Alors, j'ai envie de poser la question, comment ? C'est, tu vois, comment ? Quoi ? On peut être contrôlé en ligne. Ah bon ? Comment se fait-il, tu vois ? En visioconférence, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pose une deuxième question, mais c'est quoi le rapport entre les rencontres en visioconférence, en ligne, et le Covid, en fait ? Et voilà. Mais le rapport avec la dictature, ou plutôt la tyrannie, comme tu disais, je le vois très bien. Mais le rapport avec la pandémie, je ne le vois pas. Par, par télépathie, tu peux contaminer quelqu'un, peut-être. Ah ouais, c'est comme la Shoah, d'accord. Notre rencontre des esprits, ouais. De toute façon, le travail sera réduit uniquement au télétravail. Hein, donc uniquement. Voilà. Tu vas me dire, on n'a pas besoin de garagistes, puisque de toute façon, les bagnoles seront abolies. Oui, oui, oui. Parce qu'un petit peu plus loin, à propos de garagistes, on vous dit ceci. Interdiction de se déplacer en voiture ou tout autre moyen de locomotion. Et alors, on ajoute... déplacement à pied, en trottinette, à vélo, c'est pas une blague, hein, à vélo, avec vaccin ou PCR négatif, je ne sais pas, la façon dont c'est formulé, je ne sais pas si c'est interdit ou si c'est autorisé. Je suppose que c'est le deuxième cas. Tous les transports en commun seront arrêtés. Il y a, pire encore, obligation de se présenter à la commune pour enregistrement des données personnelles, état de vaccination, casier judiciaire. Là, je ne comprends pas très bien non plus, parce que moi, je ne dispose pas de mon casier judiciaire. La commune doit déjà l'avoir, à mon avis, du moins la police. Alors, cette banque de données, donc, qui sera tenue par la commune, donc la municipalité, sera accessible à toute organisation publique ou privée, celle-ci, si celle-ci en font la demande circonstanciée. Là, il y a de quoi, il y a de quoi réfléchir. Hein. Bah bon. Oui, parce que en gros, hein, l'association des rabbins, de machin, pourrait demander, hein, à en savoir un petit peu plus. Ouais, oui. Je crois ne pas l'avoir signalé. Les contacts humains seront autorisés entre personnes vivant sous le même toit. Et alors, les contacts en ligne, bien sûr, hein, mais uniquement les personnes vivant sous le même toit. C'est assez extraordinaire. Et alors non, Moi, je reproche à George Orwell d'avoir fait preuve de beaucoup de modération. Mais le problème, c'est qu'on... Je vais vous donner une dernière chose, une dernière indication. On pourrait croire à une blague. Mais manifestement, les gens de Kairos ne sont pas des blagueurs, vous pouvez vérifier, en allant voir sur Internet. Mais il y a encore ceci. Au moins 3 hôpitaux par région, donc Flandre, Wallonie, Bruxelles, devront fermer pour constituer des centres de rééducation pour opposants. Je pense que les opposants sont les anti-vax, quoi, hein, qui désobéiraient. Authentique, hein. Tout soin. Par ailleurs, tout soin pour les non-vaccinés seront postposés. C'est une façon de dire que les gens vaccinés auront, dans des cas de soins dans les hôpitaux ou quoi, seront prioritaires sur les non-vaccinés. Voilà. J'ai regardé et pris des notes sur la première moitié des mesures décrites par la vidéo. Ce qui veut dire que ça aurait pu être le double de ce que je viens de dire. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est en ce moment en Belgique, mais ça sera en France, en Allemagne, en Angleterre, partout. Il faut que ça devienne une loi, hein, donc un arrêté royal, en vous disant bien qu'on va attraper les gens au collet avec cette affaire. C'est la loi pandémie, ce qui veut dire que ça relève très certainement des pouvoirs spéciaux, certainement, et que ça ne sera mis en pratique qu'en cas d'aggravation de la situation. Ce qui me laisse penser, moi, mais ça n'engage que moi, que la situation va s'aggraver. Mais ils l'ont prévu. Comme prévu. Ils l'ont prévu. Ils l'ont prévu, ils le disent et ils font tout pour. C'est exactement ce que j'explique. Alors au plan purement sanitaire, médical, hein, j'ai donné des éléments en disant qu'en fait la vaccination n'est pas programmée pour améliorer la situation, mais pour l'aggraver. C'était ça l'objectif. J'ai donné les éléments, on en a parlé, et on voit que c'est suivi d'effet au plan légal, et tout ça fonctionne de manière coordonnée. Ce n'est pas même pas un coup d'État. Ça ne correspond même plus du tout. C'est une véritable révolution bolchevique. C'est une révolution bolchevique. Et comment fonctionne la révolution bolchevique ? Par la terreur. Est-ce que les gens ont seulement un minimum de culture générale? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de la révolution en Russie? C'est par la terreur qu'on prend le pouvoir, d'accord? C'est en intimidant les ennemis que l'on se décrète, d'accord? En les exécutant le cas échéant, c'est comme ça que ça a marché. C'est pas parce que c'était en 1917, en 1918, en 1919 que ça peut pas se réitérer. Ça, c'est dans la tête des gens, ça. C'est les gens qui se disent que tout d'un coup, les juifs ont changé de nature. Ça n'existe pas, ça. Le juif est fidèle à lui-même. Il est toujours aussi pourri qu'il était il y a un siècle et trois millénaires avant. Je veux dire, c'est la même race, d'accord? Donc je crois même que les bolcheviks, si le programme va à son terme, feront figure d'enfants de cœur, comparativement à la bande à laquelle on a affaire aujourd'hui. Précisément. D'ailleurs, pour reprendre une analogie virale, parce qu'on n'a pas éliminé la souche. Vous connaissez cette histoire de souche? Vous connaissez l'histoire des antibiotiques? Pourquoi les docteurs vous disent toujours, quand vous prenez un traitement antibiotique, d'aller jusqu'au bout? C'est parce que vous allez aller un petit peu mieux quand vous avez fini de bouffer la moitié des tablettes. Mais ce que vous avez fait, si vous n'avez pas au bout du traitement, c'est que les bactéries ou les virus qui n'auront pas été éradiqués seront les plus résistantes. Donc si vous ne les finissez pas, qu'est-ce qui se passe? C'est la souche, les souches les plus résistantes qui prennent ensuite le pas et qui se répandent partout. Vous faites un travail de sélection darwinien, ok? Vous comprenez? Voilà. D'accord. Vous comprenez l'analogie avec les juifs? Eh oui. On peut pas jouer avec une race comme ça. On fait pas mumuse avec une race comme ça. Je me demande si leur vieille prophétie messianique n'est pas en train de se réaliser et qu'ils sont convaincus d'aller jusqu'au bout. Et pour ce faire, il va falloir éliminer pas mal de gens. Maintenant, un petit rappel. Rappelez-vous, les Amérindiens aux États-Unis, au Canada, mais aussi ailleurs, qu'on avait fait disparaître donc des populations gênantes parce qu'elles occupaient on leur avait attribué des territoires particuliers, qu'on avait fait disparaître en bonne partie en leur fournissant des aides sous forme, entre autres, de couvertures qui étaient infectées par la variole. Vous connaissez sans doute cette histoire. Oui, je connais ça. Oui. Ah ben, les couvertures, elles sont pour nous aujourd'hui. C'est clair. Et oui, sous forme de vaccin. Exactement, mais bien sûr, mais les gens sont naïfs, ils sont stupides. Voilà. Et ce qui est grave dans l'esprit des gens, c'est qu'ils n'arrive pas à imaginer le niveau de saloperie qui existe dans la tête des classes politiques lorsqu'elles espèrent se survivre à elles-mêmes, se perpétuer à travers les générations, à travers leurs enfants, leurs petits-enfants. Et je pense que ces gens sont totalement fous pour l'instant. Certains pourraient dire qu'ils ne réalisent pas, etc. Ouais, je n'y crois pas. Ah, c'est pire que ça. Ouais. Je l'ai vérifié avec des amis normies. Les types sont convaincus que les gens au pouvoir sont des gens bien. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, ils disent que c'est des pourris, mais en fait, non, ils n'auraient jamais ce niveau de saloperie. Oui, non, mais pourris, d'accord, oui. Bon, ils piquent un peu dans la caisse. Ouais, voilà. Ils vont pas t'assassiner quand même, quoi. Mais si. Voilà, en fait, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas identifié l'origine tout particulièrement génocidaire de l'hébraïsme. Je crois que c'est tout le problème. Ils ne voient pas à quel point le juif est l'ennemi fondamental. Ils n'identifient pas, ils ne comprennent pas. Il faut le marteler dans toute cette équation. Et j'insiste, dans toute cette équation, le juif est au cœur du dispositif. Et tant qu'on ne le comprend pas, on ne peut pas adopter les bonnes mesures d'autodéfense, je veux dire, nonobstant la dimension sanitaire. Et pour revenir à ce que tu disais, qu'effectivement, il faut mettre le traitement jusqu'au bout pour éliminer toutes les souches, et notamment les plus radicales, et pour revenir sur ce que disait Fulbert, sur la volonté de nos élites de se perpétuer au-delà de notre mort, je pense qu'il faudra effectivement, au niveau des élites, penser à purger pas mal, hein. Ben, c'est la logique, c'est très simple. Tout ça, c'est des règles, si vous voulez, qui sont pas, on les a pas fixées, ok? C'est-à-dire que les gens que nous affrontons sont bien déterminés à génocider, d'accord? Je sais que ça paraît énorme, gigantesque, invraisemblable, impossible, délirant. Je sais que c'est pour un esprit normalement, et ça l'est pour un esprit normalement constitué, ça l'est, bien sûr. Pour quelqu'un de normal, c'est choquant, c'est scandaleux, c'est impensable. Au sens strict. impensable. Mais les gens que nous affrontons le pensent et le conçoivent. Donc, la question qui se pose... J'ai un ami croate qui m'avait résumé ça, je vous l'ai dit dans une émission précédente. Il m'avait dit, voilà, la question, c'est pas de savoir si génocide ou pas. La question, c'est de savoir qui sera génocidé. Je me demande, parfois, jusqu'à quel point, depuis le temps qu'ils nous saoulent avec leur pseudo-holocauste, je me demande jusqu'à quel point ils ne sont pas occupés à mettre en place une stratégie d'extrême cynisme à ceux-là même à qui ils réservent peut-être le même sort. Exactement, exactement. C'est exactement le sens de mon propos. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'avait dit le cardinal, qui me l'a dit en privé, il m'a dit « Ces Juifs se vengent de nous parce qu'Adolf Hitler ne les a pas éliminés. » Ah oui. Ce sont des lois qui diffèrent complètement des lois normales de l'humanité. Nous avons affaire à quelque chose de complètement extraordinaire. Voilà. Bah, regardez la situation actuelle. Point barre. Voilà. Alors, je sais que c'est un peu difficile à avaler pour les estomacs les plus fragiles. Oui, je sais. Ça paraît... Je laisserai le temps de la digestion. On va laisser collectivement à nos auditeurs le temps de la digestion, de méditer là-dessus, de les laisser... collecter toujours plus d'infos, comparer, sous-peser ce qu'on dit et ce qui se passe, et on va continuer, et on va bien voir ce qui va se produire. Mais bon, je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Hein. Sachant qu'en mars 2020, nous avions déjà parlé de l'obligation vaccinale à venir et du passeport sanitaire. On avait déjà parlé il y a presque un an et demi maintenant. Bah... Là, on parle du génocide des Goïms, donc je veux dire, si dans un an et demi, voilà, eh ben, ça sera bizarre, hein, mais bon. Wait and see, comme dit l'autre. À la semaine prochaine, chers amis. Enfin, si on nous laisse vivre jusque-là. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À plus. Salut.